MAF. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un hayon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation avec l'assurance AutoMAF Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option bris interne aménagement pro, détaillé dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur MAF.fr. Virgin Radio 5h57. Denis Combal sera là à 6h pile, il est à l'heure aujourd'hui, ça c'est cool. Avant ça, les infos, vous êtes les premiers informés ici sur Virgin Radio grâce à Tristan Sarah en trône. Bonjour Tristan. Voilà, c'est parti, salut Robin, bonjour à tous. Et à peine quelques averses ce matin sur le sud-ouest, mais pas de soucis, la journée sera encore bien ensoleillée sur l'ensemble du pays. La vague de chaleur se décale sur les régions de l'Est, 26 degrés cet après-midi à Paris, 27 à Marseille, mais 29 à Chambéry et 30 pour Strasbourg et pour Lyon. Premier mouvement de grève des profs, 7 jours après la rentrée, plusieurs syndicats appellent les enseignants à manifester contre la réforme du collège. La mobilisation s'annonce toutefois assez faible. La France a peut-être échappé à un nouvel attentat. Une voiture a été découverte dimanche matin en plein Paris avec 5 bonbonnes pleines de gaz dans son coffre. Le véhicule était à l'abandon avec ses feux de détresse sans plaque d'immatriculation près de la cathédrale Notre-Dame. Deux personnes soupçonnées d'avoir déposé la voiture ont été interpellées sur une aire d'autoroute dans le Vaucluse. Un couple connu pour son appartenance à la mouvance islamiste. Le groupe Alstom va devoir sacrifier un de ses sites d'assemblage. Le constructeur ferroviaire a annoncé l'arrêt de sa production de trains à Belfort d'ici à 2018. Sur les 480 emplois actuel, seuls 80 salariés seraient maintenus. Les 400 autres recevraient des propositions de reclassement. François Hollande va monter à la tribune ce matin à Paris. Le chef de l'État va prononcer un discours salvagramme sur le thème de la démocratie face au terrorisme. L'occasion pour lui d'esquisser l'idée d'une possible candidature en 2017 sans pour autant se déclarer. Un discours pour survivre au naufrage, d'après le journal Le Monde. L'acte du geek, la keynote d'Apple hier soir à San Francisco. Trois grandes nouveautés. La sortie d'un iPhone 7 étanche et sans prise jack en deux dimensions à partir de 769 € et dispo dans 8 jours. Une deuxième génération d'Apple Watch, là aussi étanche, est proposé à partir de 419 €. Et puis des écouteurs sans fil baptisés AirPods, 179 €. Autre grande nouveauté de la soirée dans le domaine du jeu vidéo, cette fois la présentation de deux nouvelles versions de la console PlayStation de Sony. Une PS4 Slim à moins de 300 € dispo dès jeudi prochain et une PS4 Pro survitaminée commercialisée à partir du 10 novembre à 399 €, adaptée à la télé ultra haute définition. Par ailleurs, Sony va aussi lancer une mise à jour pour toutes les PS4 existantes. En sport, en tennis, les demi-finales dames de l'US Open ce soir sur les courts de Flushing Meadows. Serena Williams opposée à la Tchèque Karolina Pliskova et Caroline Wozniacki face à Angélique Kerber. À suivre aussi la demi-finale du double messieurs avec les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut opposés à Jamie Murray et Bruno Soares. Et puis la flamme olympique brille de nouveau depuis hier soir dans le stade Maracana de Rio. Le Brésil a ouvert ses Jeux paralympiques jusqu'au 18 septembre. 126 athlètes français engagés dans 17 sports. Objectif, faire mieux que les 8 petites médailles d'or décrochées à Londres en 2012. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec nous. Je suis Élise de Reims. Nous sommes le jeudi 8 septembre. J'ai attrapé un super coup de soleil sur le nez. Je ressemble à un super Noël. Je déclare l'émission ouverte. Bonjour la France. Bonjour. J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Sur le nez, comment faut que je me rappelle. Si c'est vrai, c'est super belle. Je dors plus la nuit. Mais non, je fais des voyages. Où ça? Sur des bateaux. Je te vois toute nue. Où ça? C'était Satan. Voilà, je savais, il y a toujours un moment où on arrête. Oh là là là là. Élise, ça va ma belle? Ça va, oui, j'ai mal aux lèvres. Et coup de soleil, t'as mal aux lèvres? Au nez. Ah, au nez, pardon. Ma chérie, parce que t'as pris un coup de soleil, alors on sent qu'on vit pas au même endroit, pourtant c'est pas si loin de Paris, hein. Nous on est à Paris, vous le savez, les studios de Virgin Radio. Alors nous, on risque pas de prendre un coup de soleil, hein. Ouais, mais bah, hier, il a fait chaud. Non, mais attendez, les amis, je vous dis pas qu'il. Je vous dis pas qu'il a pas fait beau. Je suis en train de vous dire quand même de là prendre un coup de soleil. Attends, mais de quoi on parle là? Aussi, j'ai repris un petit coup de soleil sur le décolleté, mais tu sors pas aussi. C'est ça. Faut sortir. Puis tu mets pas de décolleté, Camille. C'est vrai, je mets pas assez de décolleté. Laure est ici, bien sûr, tout en décolleté. Il y a Clément aussi. Comment ça va? Merveille, j'ai pas pris de coup de soleil, mais tout va bien. Ben non, mais il faut pas, toi, attention, t'as la peau fragile. Hein. Moi j'ai une peau très fragile, je rougis. C'est-à-dire que si je prends le soleil le soir, je suis tout rouge, on dirait que j'ai bu, et le lendemain ça va, et ma peau est dorée. On dirait une écrevisse. Ouais. Clément le soir. Ginger est là aussi, bien sûr. Eh oui, je me suis bien caché du soleil aussi. Ah, Ginger, elle a la peau laiteuse. Elle a la peau laiteuse. Attention, si elle prend le soleil, ça peut cailler. Déjà que je suis mouillée, alors si en plus je caille, t'imagines bien. Vous vous rendez compte, c'était pas horrible ça quand, vous savez, le lait, quand on vous servait le lait à la cantine et tout le matin et qui caillait là. Vous savez, tu sais, quand il y a le truc qui se met dessus là. La peau au-dessus là. Ah, moi je me battais avec mes frères pour avoir la peau sur le lait. C'est horrible. Ah bon, d'accord. Ah non, moi j'ai épluché, ça se dit pas épluché pour le lait. J'ai enlevé la peau, quoi. Ah mais c'est horrible, c'est le lait qui a caillé, c'est pas le mot. Hein. Non, c'est pas ça, caillé. Bah bien sûr que si. Non, caillé c'est quand ça pourrit, tu sais que ça fait genre presque du yaourt. Mais non, c'est pas ça, caillé c'est les trucs qu'il y a dans les cartables et tout. Mais il est lourd. Toujours, on démarre les journées, toujours avec une blague bien lourde. Oh là là, Pauline, elle est là au 3216. Oui, coucou, ben ça va. Moi, j'ai pas attrapé de coup de soleil, mais un coup d'amour, un coup de je t'aime. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Comment il s'appelle ton mec déjà, Willou? Ben c'est William. C'est William. Willou Languille, comme on l'appelle, hein. Willou la brosse, comme on l'appelle. Du côté de Bordeaux, bien sûr. Oui, Clément. Elle est pas contente parce qu'elle sent qu'on l'aime pas, alors que je le connais pas. Mais elle sent qu'on l'aime pas, qu'on veut pas, on oublie son prénom. On est là. Si vous nous écoutez pour la première fois, c'est avec notre petite Pauline est revenue amoureuse cet été. Elle nous a dit j'ai rencontré quelqu'un. C'est l'amour fou. On lui dit mais il vient d'où, il fait quoi dans la vie? On a 10 ans d'écart. Je suis chez ma deuxième jeunesse, je me régale. Alors, il faut savoir que Pauline a c'est vrai, des habitudes un petit peu de personne âgée. Oui, finalement. Donc c'est vrai que ça colle bien. Mais 10 ans d'écart, il fait quoi dans la vie, tiens d'ailleurs? Non. Ça, tu veux vraiment le savoir? Alors, mais vous savez quoi? On n'a pas assez mené l'enquête. Élise, t'es d'accord avec moi ou pas? Non, pas tout à fait. Moi, je suis curieuse. Qu'est-ce que fait dans la vie Willou la brosse du côté de Bordeaux? Il est monteur. Mais ça, on demande pas ce qu'il fait le soir. Je n'ai pas demandé ses hobbies. J'ai demandé son travail. Il est monteur. Il monte, par exemple, des documentaires, des choses comme ça. Ah, il coupe des images? Oui, il est monteur. Il fait que couper des images. Oui. Pas mal. Ou alors, Willou Languille, le monteur. Peut-être un jour au César, le meilleur montage est remis à Willou Labrosse. Oui, c'est bon. Il est menteur aussi sur son âge. Non, il m'a pas menti. Dès le départ, il m'a... Dès le départ, il m'a montré sa hanche en plastique. Il a été honnête tout de suite, Clément. Et il lui a dit d'ailleurs, je rentre chez moi ce week-end, je ne suis pas là. Il lui a dit à Bordeaux, il dit non, 1930. Non, il est pas si vieux, c'est clair. Il est pas si vieux, mais enfin, il lit avec des demi-lunes. Il est pas si vieux, mais ses lunettes tiennent avec un petit collier. Quand il a fini de lire, il dit il était passionnant ce bouquin. Et après, les lunettes, elles restent pendues sur le torse, là, oui. Mais c'est pas des lunettes, c'est un monocle. Donc t'as arrêté de défendre ta copine. Non mais j'ai vu les photos et le petit lien justement qui tient les lunettes est assorti aux bretelles. Donc il est élégant. Il est élégant, oui Pauline. Et là je l'aide pas le pauvre, mais effectivement moi j'aime bien. En plus il a des pantalons en velours côtelé, moi j'adore. Mon Dieu. Non mais c'est hyper mignon. Mais il les remonte jusqu'où? Mon Dieu, quelle horreur. Non, mais c'est à la mode. Je vous jure qu'il y a des marques un peu jeunes, genre Vans et Levi's, qui ont ressorti des pantalons en velours côtelé. Non. C'est peut-être des friperies. Non, il met des pantalons en velours. Ils sont magnifiques. Mais voilà. C'est mignon. Non, on n'est pas bien. Mais si, attends. Tu vas le rencontrer, tu vas l'adorer. Tu m'as dit quoi, Élise? Il est vintage. Ah, mais il est vintage. Il est vintage, il met des napperons sur sa télé. Non. Et maintenant, c'est un écran plat, c'est pas simple. Mais il arrive quand même à mettre le napperon par-dessus, comme ça. Oui, Clément. Est-ce qu'il fait des brocantes? Oui, il c'est lui la brocante. C'est là qu'elle l'a trouvé, il était un vide-grenier. Oui, il y a Nico du bureau qui est là aussi, bien sûr. Salut Nico. Oui, salut. Bah, je voulais savoir, moi, s'il montait sur ordinateur ou c'était encore de la péloche, tu sais, avec. Ah, mais c'est sûr que c'est de la péloche. Excusez-moi, je suis le seul à entendre une guêpe dans mon oreille. Non, il y a un truc dans l'insecte. Il y a un truc. Ah ouais. Ah, là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. On a, alors je ne sais pas si vous l'entendez à la radio, en tous les cas, sachez que nous, on a comme une guêpe qui est en train d'essayer de nous passer devant l'oreille. Oui, Robin, notre réalisateur. Ça va pas nous arranger, je crois que c'est ton micro. En fait, cet été, on avait fait des tests et ton micro marchait mal. Ah mince. Bah, c'est peut-être ma voix, non? Aussi. Mon micro marche mal? Ouais. Eh ben, vous ne m'aurez pas, monsieur les censeurs. Je serai là jusqu'à 9h. Si c'est un coup des Russes, je m'en fous. Je ne quitterai pas. Virgin Radio, Élise, ma chérie, je vais peut-être te payer ton loyer. Sache le loyer au 7-12-13 par SMS. Tu peux t'inscrire dès à présent. C'est le premier cadeau de la matinée. C'est à 6h20 pour vous qui êtes réveillé très tôt. Je le sais, qui avait bossé toute la nuit, qui passait toute la nuit avec nous sur Virgin Radio. Et ben, dès 6h20, très beau cadeau. Loyer au 7-12-13. Et chaque SMS en plus vous enregistre pour les 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. J'ai éveillé son intérêt à la Élise. Hein. C'est très simple. T'as un loyer de combien, ma petite Élise? Moi, j'ai un loyer de 960 euros. 960 euros, ça veut dire que si tu m'envoies un SMS maintenant, peut-être que tu seras tiré au sort pour un mois de loyer à 6h20. Et quoi qu'il arrive, t'es inscrite pour le 16 septembre, 8h20. Plus tu m'en envoies, plus tu augmentes tes chances. Et donc, 960, tu m'as dit? Ouais. Oui. Eh ben, si j'étais le 16 septembre, je te ferai un chèque de 576 000 euros. Waouh. Mais c'est quand tu veux. Eh ben, je sais. Peut-être que c'est toi que je prendrai au téléphone. C'est tout ce que je te souhaite, ma petite Élise. Je t'embrasse fort. Reste avec nous, le Virgin Tonic. Ça y est, c'est parti. Bruit dans l'oreille ou pas bruit dans l'oreille. Oui. On sera avec vous jusqu'à 9h et on commence avec Jane tout de suite. Makeba, bienvenue dans le Virgin Tonic. Salut, c'est Jane dans Virgin Tonic. Virgin Tonic. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, we make it by, make it by, make it alive. Girl, I gotta ooh, we make it by, makes my body dance for ya. Ooh, we make it by, make it by, make it alive. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of a thousand years. Ooh, we make it by, make it by, make it alive. Girl, I gotta ooh, we make it by, makes my body dance for ya. Ooh, we make it by, make it by, make it alive. C'est jeudi, c'est le 8 septembre. Aujourd'hui, l'équipe réunie, bien sûr. Oui, à vos côtés, vous les amis, vous qui ouvrez encore tout juste les yeux, vous qui êtes peut-être encore au petit-déj, sous la douche, en train de nous écouter. Bon réveil, en tout cas. Et je voudrais partager avec vous un chiffre. Oui. Un chiffre. Alors, tout est vrai. Hein, dans ce que je vous dis, c'est vraiment un chiffre qu'on vient de m'envoyer sur Internet, enfin, dans la nuit. Dans une vie, une femme passe 136 jours à se préparer avant de sortir. Wow. C'est-à-dire, les filles, le jour de votre dernier souffle. Ouais. Là, comme ça. Vous direz, dans toute ma vie que j'ai vécu, qui a été magnifique, ouais. Laure, t'as rencontré Juju, t'as eu des moments formidables. Mmh. Là, tu diras quand même, t'as perdu 136 jours à te préparer avant d'aller dîner chez des amis, Laure. Mais moi, j'ai l'impression que je les perds par an, en fait, les 136 jours à me préparer. Ah ouais, ça rend fou, mon mec. Ouais, ça laisse peu de temps pour les sorties, quand même. Bah non, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Moi, déjà, on prend une heure avant Julien pour me préparer. Donc lui, ça le rend dingue parce qu'il se prie, il les prend en deux secondes. Et ouais. Bah, moi, c'est pareil. Je me douche très vite, je me prépare très vite. Clément. Non, mais il y a plein de moments comme ça. Si tu les cumules, c'est flippant. Par exemple, si tu cumules tous les moments où t'as attendu au cinéma que le film commence pendant la pub, si tu les mets bout à bout, c'est pareil. Je suis sûr qu'il y a un an d'attente. Si tu fais, il y a plein de trucs comme ça et ta vie, on la prend pas. C'est horrible à faire. Ouais. Tu calcules dans ta vie entière le temps que t'as perdu à des trucs, le temps que t'as passé à essayer de joindre SFR au téléphone. Oh là là. Oh, c'est pas possible. Franchement, Laure. C'est que j'ai passé 3337 heures à faire des brushings. Non, j'ai calculé en vrai. Bah, t'aurais pu prendre une petite heure pour ce matin. Voilà. Je l'ai cherché. Pas hésiter. Merci, Biyuna. Pauline. Moi, le truc où je perds le plus de temps et ça me rend folle, c'est mon fer à lisser qui chauffe. Il est hyper vieux. Ah, ben bah, c'est pareil, c'est sur le brushing, c'est le fer à lisser. Ah, oui, mais c'est horrible. C'est notre problème, nous, parce les femmes. Parce qu'il est vieux. Oui, il est très vieux. Ton mec ou le... Non, le fer à lisser. Bien sûr. On embrasse Will ou Languille à Bordeaux. Oui, Clément. Non, pour gagner du temps, maintenant, il faudrait se faire les brushings en attendant le film au ciné. Oui. Et on a plein à se faire. Évidemment. On aurait gagné plein de temps. Mais oui. Mais c'est vrai, ça. Ou préparez-vous pour sortir au ciné. Oui. C'est-à-dire bah, comme ça, vous vous maquillez pendant que vous êtes au ciné et après, on va dîner. Dans le noir, donc. Ah, c'est pas pratique. Tout alors, en cherchant une place de parking. Ok, on n'a pas la solution. Avant 9h, on trouvera la solution à cette attente. Bon réveil à vous tous. Jeudi 8 septembre aujourd'hui, c'est le Virgin Tonic. Tout de suite, c'est le maître. On écoute son 200 mètres aux Jeux Olympiques. Christophe Lemaître, c'est parti. Merci d'être avec nous les copains, ne bougez pas, vous le savez, c'est là que ça se passe. Le tirage au sort du loyer chez nous, c'est dès 6h20 qu'on vous offre des très très beaux cadeaux. Vous qui vous levez très très tôt, qui êtes encore au petit-déj, loyer au 7-12-13 par SMS, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça vous inscrit aussi pour les 50 ans de loyer. Le plus beau cadeau jamais offert sur une radio en France, c'est le 16 septembre prochain. Un SMS, deux fois plus de chances de gagner. Et Adèle, Send My Love, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Excellent réveil. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est le Camille. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec la nouvelle offre Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement acquise sur la période de 4 ans. Avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. Allô ? Oui, oui, j'arrive dans 10 minutes. Je suis garé un peu loin. Smart4Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart4Two 45 kW pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Quelques averses ce matin sur la Nouvelle-Aquitaine, mais ce sera encore une très belle journée sur tout le pays. De belles éclaircies du sud-ouest aux côtes de la Manche. Grand soleil sur la Bretagne, le nord-est et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. 19 degrés cet après-midi à Dieppe, vous aurez 20 à Cherbourg, 24 à Lille, Rennes et Nantes, 25 à Bordeaux, 26 degrés à Paris, 27 à Tours, Nice et Ajaccio, 28 à Marseille, 29 à Dijon et à Chambéry, 30 à Strasbourg, Valence et Perpignan, 31 à Lyon et la maximale 33 du côté de Montpellier. Très bon réveil avec nous. Virgin Radio. Lucas au 88 484. Les jeunes danois de Lucas Graham nous chantent la vie. Envoyez Lucas, L-U-K-A-S, au 88 484. Accédez au catalogue et téléchargez Seven Years, le tube de Lucas Graham en sonnerie. Lucas au 88 484. Abonnement 3€ par semaine, DGP. Virgin Radio présente The Avener, un concert exceptionnel à l'Olympia le 24 septembre. Salut, c'est The Avener avec Virgin Radio. Après une victoire de la musique et une tournée triomphale du festival, retrouvez le phénomène de l'électro-française pour sa première date dans la plus mythique des salles parisiennes. Virgin Radio, la radio partenaire des plus beaux concerts. Match au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match, M-A-T-C-H, au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Now. Le nouveau Felix Jean. Le nouveau The Chainsmokers. Broken Bash. Mike Perry. Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Tout de suite. Tout de suite. C'est Camille Combal. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez tout juste sur Virgin Radio. Vous êtes ici chez vous, 6h, 9h, on est là à vos côtés tous les matins. Je vous présente Laure, salut. Je vous présente Clément. Bonjour. Je vous présente la popo du standard. Elle est là avec nous aussi. Et je vous annonce que toutes les heures, peut-être vous nous écoutez pour la première fois, on paye votre loyer. C'est le plus beau cadeau, toute radio confondue, 6h20, 7h20, 8h20. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Envoyez simplement un texto, on vous tire au sort. On vous demande qui est la seule radio à le faire. Vous, il n'y a pas de triche, on est les seuls. Vous dites Virgin Radio et on vous fait un chèque du montant de votre loyer. Où vous payez votre loyer, où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Voilà, je vous dis, avec l'argent de votre loyer, vous le dépensez bien comme vous voulez. Ce qui nous fait plaisir, c'est de vous faire un beau chèque. Hier, 3200 euros offerts. Ouais, énorme. C'est une belle journée. Ah oui. Attention, on y va. On a eu énormément de David hier. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et très peu de Jonathan. Très peu de Jonathan. Peut-être qu'on appelle un Jonathan. Je n'ai pas le prénom. On a eu une Marilyn aussi. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jonathan? Non, c'est Olivia. Ah ben, c'est Olivia. Voilà. Olivia, je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, ma chérie. Non. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh, je suis content. Salut, Olivia, c'est gagné. Olivia, c'est gagné. Ouais. Oh non, pas c'est Dom Tom. Olivia, ma chérie, c'est vrai, t'es un ange, ma chérie. Tu viens d'Aix-en-Provence? Eh oui, je suis d'Aix, je suis aixoise. Oh, mais je t'aime encore plus alors. Ah oui, c'est la ville, je travaille là en plus, c'est la ville. Ah ben moi aussi, alors, c'est ma ville de cœur, j'y passe tous mes étés, j'étais encore cet été, j'y passe deux mois l'été. Je ne vais que là. Écoute-moi, moi je travaille à la mairie d'Aix, je veux que tu viennes me voir, tu demandes Olivia et tu viennes on fait un selfie ensemble, s'il te plaît. Mmh. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Écoute, près de la place des quarts d'heure, la mairie, bien sûr. Oui. Oh. Non, moi je suis. Non, mais t'inquiète pas, tu demandes Olivia, il n'y en a pas 38, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc j'arrive à la gare TGV d'Aix, je monte dans le taxi, je dis amenez-moi Olivia directement. Direct. Voilà, tu cherches pas. Hein. Et t'as un loyer de combien, Olivia, ma belle, à Aix? Alors ça, putain, 1150 euros à peu près. 1150 euros. Très bien. Et ça marche aussi. Voilà. Hein. Je le dis jamais assez, les propriétaires, on vous rembourse un mois de mensualité de crédit, ça marche aussi. Eh bien, ma belle, je te fais un chèque de 1150 euros tout de suite. Et en plus, tu l'as compris, t'es automatiquement inscrite, vous et comme vous tous, malheureusement, qui n'avez pas eu la chance là d'être tirée au sort pour le tirage au sort du 16 septembre. 50 ans de loyer à gagner. 50 ans de loyer. Et alors là, Olivia, je te souhaite bonne chance comme vous tous qui nous écoutez. Mais alors, si j'étais au téléphone pour les 50 ans de loyer le 16 septembre à 8h20, bon, ben là, le patron de Virgin Radio va pas être bien. Hein. Non, mal, là, je crois. 1150 euros fois 12 mois fois 50 ans, ça fait 690 000 euros. Voilà le chèque que je te ferai. Bon, je touche du bois là, écoute-moi, Je suis là. Eh ben écoute, Eh ben je suis très heureux et déjà voilà un chèque de 1150 euros pour toi. Je t'embrasse ma belle. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Bisous ma petite Olivia, merci d'être avec nous le matin, vous tous, où que vous soyez en France, de vous réveiller à nos côtés. On écoute Adèle, Send My Love, voilà ce qu'on vous offre dans le Virgin Tonic. Pardon, on vous l'offre pas, Adèle, on vous l'a offert la semaine passée. Oui, on vous réoffrira des places pour Adèle. Excellent réveil, merci d'être avec nous. Hi, I'm Adèle and you're listening to Virgin Radio. Send my love. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Send my love to your new life, hello. Treat her bad, gotta let go of all of our clothes. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new life, hello. Treat her bad, gotta let go. we ain't kids no more. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio. 6h-9h, le Virgin Tonic à vos côtés, l'équipe est là, bien sûr. Bon courage à ceux qui sont en voiture, déjà en route pour le travail. Peut-être que vous commencez le taf à 7h et vous êtes déjà sur la route. Vous êtes aussi très nombreux à nous écouter, là en train de préparer le petit-déj pour toute la famille. Merci en tout cas d'être avec nous dans un instant. Un point sur l'actu avec tous nos journalistes, comme chaque matin à 6h30. Puis arrivera le réponse à tout quand Clément descend dans la rue poser des questions aux enfants. Ça aussi, c'est chaque matin, c'est jeudi aujourd'hui. Et j'ai envie de me lâcher, j'ai envie de vous avouer un truc. Oh là là, j'ai peur. Oui. Comme chaque matin, je viens avec mon thermos de café. Mm-hmm. Ce qui est de plus en plus dur d'obtenir un café buvable, simplement comestible, dans cette radio, ça devient très difficile. Donc je viens avec mon thermos. Mm-hmm. Et pendant le 10, j'ai voulu prendre une gorgée. Et c'était que de l'eau chaude. T'as pas mis de thé. Énervant. J'ai pas mis de thé dans mon café, non, Clément. Merci. T'as pas mis la capsule. Merci. J'ai pas mis. Merci Laure de suivre un peu ma vie. Ah oui, non, mais excuse-moi. Je n'ai pas mis la capsule. Merci, ma petite. C'est énervant. Ah, Clément. Bah, signe que t'es pas réveillé, que t'es fatigué. Mais exactement. Et c'est pour ça que je dis ça. Quand je dis vous êtes au petit déj et tout, voilà, je pense à tous les gens qui sont pas encore forcément bien réveillés. Il y a des trucs comme ça le matin. Tu sais que t'es passé à côté. Non, mais j'ai quand même mis de l'eau chaude dans mon thermos, Clément. Moi, je sais que je suis pas réveillé quand vous me faites remarquer que mes boutons sont pas droits. C'est de ma chemise que j'ai mis Paul avec Jacques. Pas ceux de ton visage. Oui, non. Ils sont merveilleusement alignés. Je sais que je suis parti trop vite. Pas les yeux assez ouverts. Moi, je vous encourage pas à le faire. Il peut m'arriver de faire tout le trajet chez moi, la radio, en écoutant une radio qui capte pas. Ah oui. Genre, tu sais, ça a déréglé, machin. J'ai pas le truc automatique là. Et du coup, ça arrête. Et genre, je suis tellement endormi, j'arrive en bas. Moi, je me dis, on est bon ce matin. Là. J'écoute Robin qui fait le 5-6, vous le savez, il fait le warm-up du Virgin Tonic. Je dis, bien, il est bon ce matin. C'est que du grésillement. Parce que j'écoute Robin en venant, bien sûr. Bien sûr. Pauline au standard. Moi, c'est quand j'essaie de passer ma carte vitale en tant que badge à l'entrée pendant 10 minutes et que je me dis, mais ils me l'ont encore désactivé, c'est pas possible. La France, c'est devenue une cité de badge. Hein. Rien faire sans badge. Tout badgé quoi. Oui, Laure. Mais d'ailleurs, j'ai une idée d'appli. Je veux faire une appli pour réunir tous les badges. C'est une bonne c'est appli. Une super idée. Bah non, mais c'est une super idée en vrai. Elle le dit pas à l'antenne. Bah oui, mais voilà. Je spontanément, je regrette. Mais attends, c'est une super idée. Non, mais c'est une idée de fou. On a tous 50 000 badges, même les badges de la maison et tout. Eh, hey, les amis, vous qui nous écoutez, vous avez jamais entendu ce qu'il vient de se dire. Ouais, on oublie tout, vous étiez pas retire. On retire ce qu'on a dit. Non mais, on va le faire. Mais je sais, c'est une idée de génie, mais personne ne le fait avec moi. Mais moi, je le fais avec toi. Ok, bah vas-y, on le fait. C'est quoi le pourcentage? 50-50, on discute même pas. Ok. 50-50? Bah, t'amènes le financement. Bah, j'ai trouvé 50 euros chacun. Non, mais attends, Stéphanie qui est avec nous au 3916, je crois que Laure. Oui, alors. Les amis, mettez des chaînes à vos voitures, il va neiger, Laure a une bonne idée. Attends, elle existe, mais pour les cartes de fidélité des magasins gelés, elle s'appelle Feed. Mais c'est pas ça, je me suis renseignée, j'ai été voir. On dit pas trop. Oui, bon, bah j'arrête. Oh là là, les amis, on vient de vous donner une idée de génie de la Virgin Radio. Stéphanie, ma chérie, c'est une bonne idée, non? Salut Camille, salut tout le monde. Bah écoute, c'est une super bonne idée, moi je trouve. Attends, faut pas le dire à la radio là. Mais tu te fais piquer ton portable, tu te fais voler ta vie. Le mec il peut aller chez toi, il peut aller à ton boulot, il peut aller partout. Tu te fais piquer ton portefeuille aussi. Tu te fais piquer ton portefeuille aussi, Clément. Voilà. Oui, mais t'as un téléphone pour appeler. Alors que là. N'importe quoi. Laure, je retire mes billes de ta société. Non, c'est pas ça. C'est fini, je retire mes billes. Bah, tu vas regretter, tu seras milliardaire. Oui, Pauline. Bah, moi, elle m'en avait parlé, donc elle peut peut-être me reprendre, du coup. Non. Moi, je veux le faire, j'y crois. Mais en revanche, sache-le, tu seras la standardiste de notre boîte. Non, le Loca. Laure, Camille, Loca. Loca. Ouais, c'est bien, non? Avec Shakira en musique de fond. Je veux Shakira pour l'ouverture de la boîte. Loca. Nico Dubion, qu'est-ce que tu fais encore dans le studio? J'ai dit, je veux Shakira pour l'ouverture de la boîte. Ouais, très bien, on va le trouver. Mais moi, je suis du fonds d'investissement du bureau et je voulais savoir parce que au niveau des bandes magnétiques, ça se passe comment? Parce qu'en fait, il y a forcément des logiciels. Pour badger, il faut une bande magnétique et le téléphone n'a pas de bande magnétique. Donc je me retire du projet. À la radio tous les matins. Et même dans le business, c'était chiant en fait. Mais j'essaie de trouver. Tu n'es pas le bienvenu dans notre société. Avec plaisir. Tu sors d'ici, tu sors d'ici. Les amis, restent avec nous. Stéphanie, tiens, on va prendre Jackie au téléphone aussi. Ça va, Jackie? Salut les gens. Jackie, on est en train de te rendre milliardaire. Reste avec nous. Tous les gens à qui sont en train de nous écouter vont devenir milliardaires grâce à mon idée. On revient dans un instant, c'est quoi le truc aussi pour le pop rock électro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore une très belle journée aujourd'hui sur l'ensemble des régions. À peine quelques averses ici ou là ce matin dans le sud-ouest, mais ça ne va pas durer. Le soleil sera omniprésent ce jeudi. Le mercure atteindra les 30 degrés cet après-midi à Strasbourg et à Lyon. Vous aurez 26 à Paris. 5 bonbonnes pleines de gaz découvertes dans le coffre d'une voiture à Paris. C'est un commerçant qui a donné l'alerte dimanche matin devant ce véhicule à l'arrêt et sans plaque d'immatriculation. Il n'y avait toutefois aucun dispositif permettant de déclencher une explosion. Un couple connu pour sa radicalité a été interpellé dans le sud de la France. La femme serait fichée S. 4 suspects au total sont désormais en garde à vue. Journée de mobilisation contre la réforme des collèges. Les enseignants sont appelés à faire grève ce jeudi pour dénoncer notamment la mise en place de l'interdisciplinarité, autrement dit l'enseignement de plusieurs matières au sein d'un seul et même cours. Un mouvement qui irrite d'ailleurs de nombreux parents juste après la rentrée. Coup de matraque fiscale sur les CRS et les gendarmes mobiles. Le gouvernement pourrait augmenter les impôts des policiers et des gendarmes en les obligeant à déclarer leurs primes de déplacement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça représente en moyenne autour de 5000 euros qui échappent à l'impôt. Les policiers pourraient faire grève. La construction d'un mur anti-migrant va débuter à Calais, financé par Londres. Ce mur de 4 mètres de haut et long d'un kilomètre aura pour but d'empêcher les migrants de grimper sur des camions. Les travaux auront lieu jusqu'en décembre. Sur les réseaux sociaux, des internautes font une comparaison avec le mur que Donald Trump promet de faire ériger aux États-Unis le long de la frontière avec le Mexique. La présentation de deux nouvelles consoles PS4 hier soir à New York. La PS4 actuelle remplacée par une PS4 Slim à 299 euros est dispo dès jeudi prochain et une PS4 Pro vendue à 399 euros à partir du 10 novembre. Une console survitaminée adaptée aux écrans télé 4K. Et puis une grosse keynote aussi hier soir pour Apple à San Francisco. La naissance d'un iPhone 7 et de sa version Plus étanche est proposée à partir de 769 euros. Dispo le 16 septembre. Apple va sortir aussi une nouvelle montre, l'Apple Watch série 2, étanche elle aussi à partir de 419 euros, ainsi que des écouteurs sans fil baptisés AirPods au prix de 179 euros. En tennis, des Français sur les cours ce soir à New York. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en demi-finale du double messieurs de l'US Open face à la paire Jamie Murray et Bruno Soares. Soirée rythmée aussi par les demi-finales dames. Serena Williams face à Caroline Pliska et Caroline Wozniacki contre Angélique Kerber. Bon réveil. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, la seule radio qui vous rend milliardaire, les amis. On est en train de monter une société. Laure a une idée de dingue. On crée une appli où il y a tous les badges à l'intérieur. Ouais. Ok, si vous voulez en être, c'est maintenant. 3916, vous nous appelez, dites-nous, je veux en être, c'est une très bonne idée. Ouais. Pour l'instant, il y a Laure et moi dans la boîte. On a pris Pauline en standardiste. Ouais. Nico du bureau est jugé trop chiant par le comité d'administration. Il est mis à part. Oui, Laure. C'est pas ça, c'est qu'il est trop pessimiste. Au lieu de trouver des solutions, nous, on veut des solutions, on veut pas des problèmes. Ouais. Et oui. Allez voir un fabricant, allez voir Wico ou Apple pour savoir s'il y a une bande magnétique dans un téléphone. Ouais, attends, oh là là. De toute façon, on n'aura pas de bureau, on sera en open space. Mais oui. Et Nico de l'open space, ça sonne pas. Ouais, pardon, désolé. J'aime bien mon petit confort. On aura peut-être Stéphanie de l'open space, elle est avec nous au 3916. Ma chérie, est-ce que tu veux faire partie de cette société? Oh, mais bien sûr. Tu es prête? Ah oui, je suis prête, moi je suis partante. Donc t'es partante, là vous tous êtes en train de nous écouter, vous êtes en train de vous dire qu'il y a un truc qui est en train de se créer, on est en train de monter la boîte. Ouais. Hein. Je rappelle le nom de la boîte, Laure Camille Loca. Loca, Loca, Loca. Shakira a déjà créé un single, rien pour nous, pour le nom de la boîte. On aura Pharrell Williams pour le clip, ça je vous le dis aussi, c'est fait. C'est sûr. Nico du bureau. Vous allez partir sur une seule idée pour monter cette boîte? Vous n'avez pas d'autres petites idées en stock? Mais t'en as combien, toi, d'idées? T'en as zéro? Excusez-moi, mais monter une société comme ça, créer un nom avec un jingle, avec juste une histoire de bande magnétique. Ah oui, excusez-moi. C'est vrai. Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, on dit bah, t'as que l'idée de Facebook, toi. T'as pas d'autres trucs? Bah non, bah excuse-nous. À la base, c'était pour pécho des meufs, hein. Bah, moi. Moi pas. Alors. Non, mais excusez-moi, mais dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Exactement. Mais oui. Voilà, nous, on fait. Exactement. Oh, bouche, il est con. Oui, Clément. Parce que moi, je peux être le concurrent qui fait pareil et qui essaie de vous piquer les idées. Non. Donc voilà. Vas-y. Non, mais j'avais déjà un nom dans ma société. C'est le passe Clément, tu t'incruches tout tu veux. Passe. Non. Ben moi, j'ai déjà déposé. J'ai déjà des gens qui bossent dessus. À 17h30. Je vais partir plein de coups parce que c'est mon idée. Moi, je m'en fous. Stéphanie est avec nous. Jackie, est-ce que tu veux toi aussi faire partie de cette société où il y a une appli qui crée et qui récupère tous les badges? Absolument, petite idée d'ailleurs, on peut déjà payer avec les téléphones, avec les puces NFC, donc pourquoi pas avec les badges. Exactement, hein. Bah oui, exactement. Bien sûr. Trésorier. Jackie, tu préfères notre société, la Loca, ou tu préfères la société de Clément? Oh, je vais prendre la Loca, mais je pense que les hackers vont aller voir Clément pour pirater tous les appartements et tout. Est-ce que je vous ai précisé que chaque personne qui rejoint ma société touche non seulement une somme d'argent à des gens à sa disposition, des stagiaires, 5 stagiaires. T'es en train de décrire Big Malion. Ils nous seront basés au Panama où il fait beau toute l'année, monsieur. Ils ont des beaux chapeaux. Restez avec nous sur Virgin Radio. Stéphanie, Jackie sont nos nouveaux associés. Ça y est, la seule radio qui vous rend milliardaire. Ouais. C'est génial. Et c'est bien ça. Coldplay qui arrive pour le pop rock électro. L'équipe est là, bien sûr. Des cadeaux magnifiques. J'ai même pas encore eu le temps de vous en parler. Mais on a des séjours, une semaine de vacances, des séjours tout frais payés pour l'électrochoc le 6 octobre prochain, des packs PS4 aussi. Mais pour le moment, à cette heure-ci, c'est Clément Lincruste et son réponse à tout. Réponse à tout. C'est quand je descends dans la rue, je pose une question aux enfants, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de ma nouvelle société. Non, c'est pas vrai, je leur ai demandé tout simplement. J'ai demandé à des filles pourquoi les garçons c'était trop nul. Pourquoi c'est nul les garçons? Qu'est-ce qu'ils font toujours, c'est pénible? Des bêtises, comme ils cassent des jouets. Ils sont méchants, ils tapent des gens. Et toi, tu les trouves comment les garçons? Ils sont bêtes. Ils sont bêtes? Très bêtes. Ils travaillent mal, ils déchirent leurs feuilles des fois. Est-ce que c'est génial les garçons ou c'est trop nul? C'est nul. Pourquoi? Bah, parce que ça fait pas le ménage. Ça fait jamais le ménage? Non. Est-ce qu'il y a un garçon, t'es pas obligé de dire son nom, mais dans ta classe, qui est le plus nul des plus nuls? Louis. Il fait la bagarre. Il lui donne des coups de poing. Il dit pas bonjour. Et toi, le plus nul, c'est qui? Milan. Il soigne pas son travail. Enfin, on dirait que d'habitude, il est gaucher, sauf qu'il écrit de la main droite. Fabien. Qu'est-ce qu'il fait, Fabien? Il fait caca dans sa culotte. Les jumeaux, parce qu'ils mangent leur crotte de nez. Comment tu le sais? Parce que je les vois. Et il y a que un jumeau ou les deux le font? Les deux. Ah, parce qu'ils sont jumeaux, ils font la même chose. Bah oui. Réponse à tout. Merci à vous tous, les amis, de participer. Chaque matin, prochaine réponse à tout avec une nouvelle question et de nouvelles réponses. C'est dans une heure exactement dans le Virgin Tonic. Et pour le moment, c'est Coldplay pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un excellent réveil à tous. To lift me up. Life is a dream and lust a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, you came to me. aujourd'hui, le 8 septembre. Courage à vous tous, c'est le Virgin Tonic. Avec l'équipe qui est là. Ouais. J'aperçois Pauline, j'aperçois Clément, j'aperçois Laure. Et puis vous tous qui êtes au 3916. On va reparler, tiens, avec Stéphanie, Jackie. J'accroche bien, moi, avec Stéphanie et Jackie. Vous êtes toujours là, les copains? Toujours là. Ils sont là au 3916 depuis tout à l'heure. Vous êtes complètement chroniqueurs de l'émission maintenant. Ça va faire une demi-heure qu'ils sont avec nous. Merci en tout cas. Et vous tous qui nous appelez au 3916, qui êtes là aussi sur les réseaux. On parlait tout à l'heure des signes qui montrent que t'es pas réveillé. Oui, bah oui. Ça fait réagir plein de gens. Alors moi je disais ce matin, par exemple, j'ai oublié de mettre la capsule de café dans mon café. Donc je suis arrivé avec que de l'eau chaude dans mon thermos. C'était un bon moment. Bien énervant. Il y a le truc aussi quand tu veux biper la porte de garage, que tu bipes pas et que tu restes dans la porte de garage. C'est fou, elle s'ouvre pas la porte. Tu captes même pas qu'il faut biper. Tu as l'impression que c'est par télépathie que tu vas l'ouvrir. T'es fracassé. Il y a des choses comme ça, toi, Stéphanie, qui montrent que t'es mal réveillé. Ouais, alors moi surtout, c'est quand j'enfile mon pantalon par-dessus mon short de pyjama. Quand on aperçoit, je t'assure que là, je suis vraiment de mauvais poils, quoi. Mais attention, c'est parce que l'inverse est pire. Hein. Oui. Short de pyjama sur le pantalon. Attention, ça va qu'à Superman. Hein, pour les autres, je vous jure, ça fait pas réveiller. Superman, ça fait classe, pas nous, hein, Clément. Ça nous arrivait souvent, petit. Enfin, moi, en tout cas, tu sais, de laisser ton pyjama souvent le haut à la place de ton t-shirt. Et une fois que t'es à l'école, vers midi, tu te rends compte que c'est encore ton pyjama en dessous, non? Non, c'est bien. Bah non, moi ça. Ça m'arrive souvent, moi. Je suis déjà parti avec mon bas de pyjama avec un jean par-dessus. Hein. C'est vrai? Ah ouais? Ah ouais? Ah bah ouais, mais les amis, quand c'est confort, à un moment donné. Moi j'ai toujours aimé le confort, c'est ce qui me rapproche de Clément. J'aime les gens confortables. Oui, Laure. Moi quand j'amenais ma fille à l'école le matin, je prenais même pas la peine de mettre un truc par-dessus. Hein. C'était directement le pyjama et. Directement tout tenu. Rien par-dessus. Oh là là, la fraîcheur, là. Sentir la brise le matin quand tu déposes ta fille à l'école. Oh. Et d'ailleurs, c'est marrant, on pourrait croire que les gens n'aiment pas les gens nus. Je m'entends bien avec tous les parents d'élèves, tous les pères. Tous les pères de famille m'adorent, oui Clément. Et puis les policiers quand ils m'arrêtent, ce petit clic-clic de menottes, là, c'est magnifique. Police au standard. Mais en primaire, je me rappelle d'une rentrée où mon père m'avait amené en pyjama. En fait, il m'avait pas réveillée, donc je m'étais réveillée dans la voiture, il m'avait portée dans la voiture, je me suis réveillée, je suis arrivée en pyjama à l'école, c'était hyper traumatisant pour une rentrée. C'est horrible. Ah ouais. Trop bizarre. Non, mais ça, c'est en chaussons et tout, c'était trop la honte. Ah, ça, c'est dur. Mais je me suis fait remarquer. Au moins, je me suis fait des amis, pas les meilleurs, mais. Enfin, les profs. J'étais la porte des instituteurs jusqu'à la fin de ma scolarité. Personne ne me parlait. Jackie, est-ce qu'il y a un signe toi aussi qui montre que t'es mal réveillée le matin? Ouf, pour moi c'est quand tu t'allumes la lumière et qu'elle te déchire mais bien les yeux comme il faut. T'as un petit voile blanc pendant quelques secondes et c'est surtout une bonne invitation pour rester dans le lit. Ça. Ouais. Ah ouais, c'est dur. Le moment où ça allume, c'est vrai, tu vois la lumière au fond du tunnel. Hein. Oh mon dieu, non, t'es juste arrivé. Ah, autant pour moi. Oui, Clément. Moi, c'est avec mes lentilles. J'ai un peu le même délire. Si je viens avec mes lunettes, c'est que j'ai pas les yeux assez ouverts pour mettre mes lentilles. Ah, il faut elles rentrent pas en fait, tellement mes yeux ils sont fatigués. Tu peux les écarter toi-même. Ça, il faut en parler à mes bras. C'est mon corps. Quand t'as mon corps, en fait, t'es loin des autres membres. Ginger sur les réseaux sociaux. Bah, elle, on sait Ginger, quand elle est pas réveillée, c'est qu'elle essaie d'aller sur MySpace. C'est fermé depuis 5 ans. Ah bon, on va sur Snapchat. Elle est avec vous sur les réseaux tous les matins. Ouais, Ginger. Je vous attends sur Skyblog d'ailleurs. On est très très nombreux ce matin. Non, mais il parlait de la lumière, mais c'est surtout le coup du téléphone en fait. Quand c'est le premier truc qu'on fait le matin, tu regardes ton téléphone, t'as l'impression que la lumière elle est à fond. Tu baisses ce truc et ça t'arrache la tête quoi. Ouais. C'est une horreur ce truc. Il y a aussi le fameux truc téléphone de tu dois être à 6h20 genre au travail. Ah oui. Tu vois 6h10, tu fais large. Allez, tranquille. Aucun problème. Je suis qu'à 70 bornes du bureau. Aucune raison que ça se passe mal. Je n'ai pas de voiture. J'ai 10 minutes pour voler une bagnole en voiture. Voilà. Rouler à 300 à l'heure et me garer directement dans l'open space. Aucune chance que ça se passe mal. Le matin, t'es très optimiste sur le temps, c'est le problème. Stéphanie, Jackie, je vous embrasse très très fort. Merci d'être avec nous depuis une heure maintenant sur Virgin Radio. On écoute Nico and Vince, I am wrong. Voilà ce qu'on vous a préparé pour le pop rock électro. J'espère que ça va vous plaire. Vous êtes sur Virgin Radio. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I'll Tirage 7h20, loyer au 7 ou 13 par SMS. N'hésitez surtout pas. En plus, ça vous inscrit pour les 50 ans de loyer. À gagner le 16 septembre à 8h20. Et si c'est l'électrochoc que vous voulez voir le 6 octobre à Paris, c'est maintenant qu'il faut nous appeler 3916. On joue avec vous dans un instant, bougez pas. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Le mois Cafou. Regarde, le nouveau deal du jour, il est totalement renversant. Oui, aujourd'hui, il y a 50 euros d'économie sur la carte Carrefour sur le vélo 24 pouces First à 125 euros. C'est génial pour Zoé. Eh, faut vite en profiter parce que ça va partir à toute vitesse. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, pour l'achat d'un vélo 24 pouces First à 125 euros, profitez de 50 euros d'économie sur la carte Carrefour. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Touche à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Bah, Michel, il est à Cancun. Difficile de résister.

avec vous pour vous aider à ouvrir les yeux chaque matin. Vous qui êtes déjà, je le sais, nombreux en voiture, et oui, à partir au travail. D'autres sont même déjà arrivés au boulot, puis d'autres sont encore en train de préparer le petit-déj pour toute la famille. Courage, en tout cas, à vous tous en ce jeudi. L'équipe est là. Oui, bien sûr. Les infos qui arrivent aussi. Ouais, je fais les journalistes. Ça arrive comme chaque matin à 7h. Et puis juste après, ce sera la question de ouf. Une nouvelle fois, vous nous avez fait marrer. C'était les auditeurs qui ont laissé les messages. On écoutera ça comme chaque matin à 7h05. Et pour l'instant, on joue avec vous pour un très beau cadeau. Des passes pour l'électrochoc. C'est le 6 octobre prochain. Plus grande soirée électro de l'année organisée par Virgin Radio. Tout frais payé, hôtel, transport et la soirée. Pour le gagner, c'est maintenant au 39-16. On joue au 9-81 game. 3, 2, 1. Le principe est simple, vous le savez, cet été, Usain Bolt a gagné le 100 mètres au JO de Rio en 9 secondes 81. Oui. On peut faire plein d'autres choses en 9 secondes 81. Oh oui. Ah, oui. Et deux fois de suite. C'est Ludo qui a été tiré au sort au 39-16 qui va peut-être repartir avec ses passes électrochocs. Ça va Ludo? Ça va super bien, salut la team Tonic. Salut. Alors c'est très simple. Ludo, tu vas choisir un membre de l'équipe qui va devoir te faire deviner quelque chose en 9 secondes 81. Ça peut être un film, ça peut être un dessin animé, ça peut être un plat, une émission télé, un objet. Il va tirer un papier. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dessus. Dès que le papier est tiré, on met le chrono. 9 secondes 81, le temps pour Usain Bolt de faire un 100 mètres. Si tu as deviné ce qu'il y a sur le papier, c'est gagné pour toi. Bon, bah, je pense que je vais choisir Clément. Il doit avoir l'habitude des moins de 10 secondes comme moi. Ok. Clément est un habitué des moins de 10 secondes. Attention. On y va. Clément, dès que tu as tiré ton papier. Je prends d'abord. Te prends-le dans les mains, ne l'ouvre pas. Okay. Dès qu'il est ouvert, on démarre le chrono. T'as le droit de dire ce que tu veux, sauf évidemment, ou le titre du film, ou le nom de l'objet, bien sûr. Top chrono. C'est le joueur de foot qui a quitté le Paris Saint-Germain, qui était la superstar avec un grand nez. Et voilà. Oh, bon, vous allez si vite. Il est fort, Clément. Ah ouais. Oh, c'est énorme. Essaye de nous faire deviner un truc en 9 secondes 80. Ok, t'es prêt, je vais en tirer un autre ou un truc que je choisis, moi? Non, pas dans ma tête. Un autre. Ok. Attention, top chrono. C'est un plat et c'est un truc qu'on a dans la bouche et c'est un gros animal. Un gros animal qui fait meuh, le mari. La vache, et la vache. Et le, bœuf, le plat donc. Le taureau. Quelle le partie bœuf, du corps? Le bœuf, la langue de bœuf. Oui. Oh, wow. Oh. Mais il est fort. Ah, il est fort. Moi aussi je peux être forte maintenant que j'ai compris le jeu. Est-ce qu'on peut dire que je suis précoce? Alors attendez, Laure, essaie de faire deviner. Ludo, t'as gagné, tu l'as compris, hein, on y revient. Ludo, une nouvelle fois. Tu auras exactement 9 secondes 81 pour deviner quelque chose. Cette fois, c'est Laure qui va te le faire deviner. Ludo, écoute-nous bien. Vous tous aussi qui êtes en voiture là, top chrono. C'est un jeu où on fait, où il y a le point, la feuille, le ciseau. Ben voilà, c'est un jeu, il faut gagner quoi en fait. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau, je ne sais pas le nom. Merci Laure. Je comprends pas. C'est facile. Shifumi. Mais c'est Shifumi. C'est de Shifumi. C'est eh ben ouais, Ludo, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, t'as tout donné avec Clément et t'as bien fait, c'est gagné. Bravo. Vous gagnez Electrochoc. Ludo, on est très heureux pour toi, très très heureux, tu seras à nos côtés le 6 octobre prochain. Ça fait, je vous écoute tous les jours, vous cartonnez. Si t'es président, mets-moi ministre. Je ferai ça, mon pote, mais c'est pas prévu, hein. Mais je ferai ça le 6 octobre prochain, donc tu seras aux élites de Paris, tu pourras applaudir à nos côtés Kung, Synapson, Feder, Kid Bandit, Lost Frequencies et même The Avener. Les plus grands artistes électro seront là. Et tu seras là aussi, mon Ludo, on t'embrasse. Merci beaucoup. Bon courage à vous et bon courage à tous les auditeurs pour cette nouvelle journée. Eh ben merci mon poteau, t'es un ange Ludo. Bon courage à vous tous, il a bien raison. Nous on vous accompagne jusqu'à 9h, ne bougez pas. Le son des Jonas Blue qui va vous accompagner. C'est un seul gars, je crois, Jonas Blue d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas, ça arrive sur Virgin Radio. Faut que je vois ce fiche. Restez là, un point sur l'actu, on revient. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, à peine quelques averses ce matin sur le sud-ouest, mais pas de soucis, la journée sera encore bien ensoleillée sur l'ensemble du pays. La vague de chaleur se décale sur les régions de l'Est. 26 degrés cet après-midi à Paris, 27 à Marseille, 29 à Chambéry, 30 à Strasbourg et à Lyon. La France a peut-être échappé à un nouvel attentat. Une voiture a été découverte dimanche matin en plein Paris avec 5 bonbonnes pleines de gaz dans son coffre. Le véhicule était à l'abandon avec ses feux de détresse sans plaque d'immatriculation près de la cathédrale Notre-Dame. Deux personnes soupçonnées d'avoir déposé la voiture ont ensuite été interpellées sur une aire d'autoroute dans le Vaucluse. Un couple connu pour son appartenance à la mouvance islamiste. Au total, 4 personnes sont actuellement en garde à vue. Premier mouvement de grève des profs, 7 jours seulement après la rentrée. Plusieurs syndicats appellent les enseignants à manifester aujourd'hui contre la réforme du collège. La mobilisation s'annonce toutefois assez faible. Le groupe Alstom va devoir sacrifier un de ses sites d'assemblage. Le groupe constructeur ferroviaire a annoncé l'arrêt de sa production de trains à Belfort d'ici à 2018. Sur les 480 emplois actuels, seuls 80 salariés seraient maintenus. Les 400 autres recevraient des propositions de reclassement. François Hollande va monter à la tribune. Ce matin à Paris, le chef de l'État va prononcer un discours salvagramme sur le thème de la démocratie face au terrorisme. L'occasion pour lui d'esquisser l'idée d'une possible candidature en 2017 sans pour autant se déclarer. Un discours pour survivre au naufrage, d'après le journal Le Monde. La keynote d'Apple hier soir à San Francisco avec 3 grandes nouveautés. La sortie d'un iPhone 7 étanche et sans prise jack en 2 dimensions à partir de 769€ dispo dans 8 jours. Une deuxième génération d'Apple Watch, là aussi étanche, est proposée à partir de 419€. Et puis des écouteurs sans fil baptisés AirPods à 179€. Autre grande nouveauté de la soirée dans le domaine du jeu vidéo, cette fois la présentation de 2 nouvelles versions de la console PlayStation de Sony, une PS4 Slim à moins de 300€ dispo dès jeudi prochain. Et puis surtout une PS4 Pro survitaminée commercialisée à partir du 10 novembre à 399€, adaptée à la télé ultra haute définition. Par ailleurs, Sony va lancer une mise à jour pour toutes les PS4 existantes. Enfin en tennis, les demi-finales dames de l'US Open ce soir sur les courts de Flushing Meadows. Serena Williams s'opposait à la tchèque Karolina Pliskova et Caroline Wozniacki opposée à Angélique Kerber. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Phoenix. Très bon réveil. Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez tout juste. Virgin Tonic qui a démarré depuis 6h qui continue jusqu'à 9h chaque matin sur Virgin Radio 7h03. J'espère que ça va pour vous, vous qui êtes déjà au travail, mais pour bon nombre d'entre vous, vous êtes encore sous la douche, peut-être en voiture, soyez prudents. En tout cas, toute l'équipe est là. Oui, oui. Et alors, il y a Clément, la propos du standard, 3916 pour nous joindre. Et vous avez vu, il y a le nouvel iPhone qui est sorti, ça y est. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas sorti. Non. On l'a vu, quoi. Ils l'ont présenté, il sort le 16 septembre. On aurait aimé vous l'offrir, mais on serait des menteurs parce que sinon ça voudrait dire qu'on l'a, mais personne l'a. Il faut attendre quand même le jour de la sortie. Oui. C'est-à-dire que même le patron d'Apple l'a pas. Donc, sinon, je vous offre la PlayStation 9 si vous voulez. Si vous la recevrez en 2022. Donc, on va faire encore plus fort. On va faire quoi? On va vous offrir l'iPhone 12. Ah ouais? C'est quoi? C'est 2 iPhone 6. On va vous offrir le premier qui m'appelle là au 3916. Votre prénom, votre prénom, il y a la lettre C, la lettre B et la lettre E. Ok. C, B, E, okay. Dans un prénom. Ouais. Tout ça. D'accord. Ça peut exister. Ok. Bah oui, ah oui, nom et prénom ou les deux? Non, prénom. Bah non, ça n'existe pas, prénom. Essayez. Allez, la lettre C dans votre prénom. Allez, hop. Lettre C, vous n'hésitez pas. Les amis, n'hésitez surtout pas. Et vous repartez donc avec l'iPhone 12. Yes. Oh, c'est génial. Sinon, avec Laurent, vous voulez vous offrir l'iPhone Serge. C'est un téléphone, mais vous n'avez que le numéro de notre ami Serge. Allô, c'est Serge. Vous avez le nouvel iPhone. Alors, on peut plus mettre la prise casque. Non. Maintenant, c'est-à-dire que les écouteurs seront sans fil. Absolument. C'est génial. C'est un truc génial parce que j'ai vu le truc là, donc à la réunion d'Apple, j'ai vu ce truc, donc des écouteurs d'iPhone sans les trucs. C'est fou parce que je les ai pas encore, je les ai déjà perdus. Ouais, c'est clair. Je les ai pas encore achetés, je vous jure, je les ai déjà perdus. Je les ai plus. Ils sont plus chez moi. Non, mais les gars, avec un fil qui fait 800 km de nœud, on passe notre temps à dire les écouteurs, quelqu'un a pris mes écouteurs. Mais là, je les ai perdus déjà, Clément. Le pire, c'est le mec qui va trouver tes écouteurs, qui va être dans la rue et qui va faire oh merde, c'est du Céline Dion. Si je suis en train d'appeler ma mère, il en a pour un moment. Les amis, le plus beau cadeau, toute radio confondue, on vous l'offre une nouvelle fois ce matin, bien sûr. C'est votre loyer, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. En plus, chaque texto augmente vos chances d'être tiré au sort le 16 septembre prochain. 50 ans de loyer. À 8h20, à 8h20 le 16 septembre, je prendrai tous les textos reçus depuis 3 semaines. Chaque SMS vous permettra d'être tiré au sort, d'être le grand gagnant. Vous avez une mensualité de crédit ou un loyer de 1 110 €. Ouais. Je vous ferai un chèque de 666 000 euros. Je vous souhaite bonne chance à vous tous. N'hésitez pas. Et en plus, ça vous empêchera pas peut-être d'être le gagnant pour un mois de loyer à 7h20. Restez avec nous tout de suite. C'est la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf. Et oui, on a ouvert un répondeur. Clément vous pose des questions et on écoute tous vos messages le matin. Et aujourd'hui, je l'ai ouvert juste aux parents puisque je leur ai demandé c'est quoi votre petite technique pour être le préféré vis-à-vis de vos enfants. Eh bien, moi, pour être leur préféré, je n'égronde jamais. Ça fonctionne du tonnerre. Je passe pour la super gentille. Moi, je leur dis que je connais personnellement le Père Noël et le patron du laser game. Vu que j'ai mes enfants, donc une fois toutes les deux semaines, à la maison, en fait, c'est ciné, McDo, karting. Puis les devoirs, ça, je laisse à leur maman. Moi, je les laisse habiller comme ils veulent. Mais bon, je vous cache pas que des fois, c'est à 14. Alors moi, c'est quand ma femme fait de la soupe aux gamins. Je peux pas m'empêcher de la ramener des bonbons discrètement dans leur chambre parce qu'ils me font tellement pitié. Souvent, quand je leur demande qui ils préfèrent, du coup, ils me disent papa. Alors, je leur glisse un petit billet de 10 euros. En général, ils changent d'avis. Quand je leur repose la même question, du coup, ils disent que c'est moi. Question de ouf. Virgin Tonic. Merci pour toutes vos réponses, les amis. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Et tout de suite, on écoute les Jonas Blue. Voilà ce qui vous aide à ouvrir les yeux. Je vous souhaite encore un excellent réveil, une belle matinée. C'est jeudi aujourd'hui. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, 7h11. Courage, courage pour ce jeudi, vous qui êtes encore sous la douche, ceux qui sont déjà en voiture. Grève des profs en plus aujourd'hui, hein. Ah ouais, vous ne serez pas trop impactés. Vous saurez quoi faire de cet enfant en bas âge. On est très heureux en tout cas de vous retrouver. Toute l'équipe est là, bien sûr. Oui. Tiens, vous croisez combien de feux en venant au travail le matin, Laure? Au moins 10. Clément? Moi, j'en ai exactement 14. J'ai bien saché. Je veux dire, hein, j'ai la moyenne. Mm-hmm. Ah, ouais. Ah, vous qui nous écoutez déjà en voiture. J'ai la moyenne de feux rouges croisés par un Français le matin. Combien? 7. Ah, c'est beaucoup. Bah, tu es au-dessus, là. Ouais. Tu es au-dessus, oui, Clément. Oui, mais on est en ville, c'est une moyenne avec la campagne. Ouais. Mais moi, le pire, ouais, c'est que si je pars, selon si je tourne à. Genre, ça joue à 20 secondes, soit je les prends tous au rouge, soit je les prends tous au vert. Ouais. Et ce matin, ouais, je les ai pris tous au rouge. Et je te jure qu'en rentrant, ça m'avait pas manqué. Depuis la rentrée, je les ai pas encore eu une fois tous au vert. Ça manque pas, ça. Ah non, ah, ça manque autant, pas. Autant, franchement, nous, on est très heureux de vous retrouver et tout. Vraiment, on était même impatients de rentrer. Mais t'as tous, et vous qui nous écoutez, je le sais aussi, il y a quand même des trucs, tu reviens et tu dis, ah ça tu vois, ça ouais, m'avait pas. ça m'avait pas manqué. Ouais. Moi je sais que par exemple devoir me rhabiller dans le noir pour pas réveiller ma chérie. Ah oui. Tu vois ce moment où tu prends les fringues et tu t'habilles dans le noir et ça donne ce résultat que vous avez devant vous. Pourquoi tu t'habilles pas à côté? Parce que les fringues elles sont là. Ouais mais tu. Ah oui non tu prépares pas la veille. Bah attends, tu me vois sortir avec les habits et tout. On dirait que je vais habiller quelqu'un dans une salle. Ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez pas manqué? On va lancer le hashtag. Ah. Ok. Hashtag ça m'avait pas manqué. Juju nous dit Laure. Juju, c'est le mec de Laure. T'imagines instantanément il réagit. C'est quoi qui t'avait pas manqué pour cette rentrée, Laure? Moi c'est de faire les lits de tous les enfants. Je sais pas pourquoi en vacances ils font leur lit alors qu'on leur a rien demandé. Peut-être d'ailleurs parce qu'on leur a rien demandé en fait. Et puis pourquoi tu le fais quand même? Bah parce que je suis une maman en fait. Ouais. C'est un peu le principe d'une mère. Ouais, bien sûr, c'est son travail. Voilà. Clément, qu'est-ce que t'avais pas manqué, toi? Moi, c'est quand justement je suis pas en scooter ou en voiture et que je viens au bus, c'est les heures de pointe. Tu sais, quand tout le monde est collé, que le bus il freine et tout le monde te marche dessus. En plus, ça sent les aisselles. Bon, souvent c'est les miennes. Mais c'est ce. Au mois d'août, il n'y avait personne, c'était pas mal. Ah bah oui, forcément, bah oui, c'est plus simple. Tiens, on va demander... Oh, j'aime bien ce prénom. Dotia. Oh. Dotia, comment tu vas? Super, Camille, et vous? Ça va très. Salut. Bien, mon poteau. Dis-moi, Dotia, est-ce qu'il y a un truc, toi aussi, qui t'avait pas manqué pour cette rentrée? Oh oui, il y a un truc qui m'avait pas manqué du tout. C'est quand je vais déposer ou chercher mon fils à la crèche, c'est que les mères célibataires viennent me parler, me dire bonjour. Oh, ça, j'en avais pas manqué du tout. Ah bon? Je vais aller le récupérer pour toi, ouais, si ouais, tu veux. Non, pourquoi? Tu te fais draguer à l'école? Bah, c'est ça, et elles sont reloues en plus. Oh là là! Bon, bah, et excuse-nous, Ryan Gosling. C'est pas possible, j'en appelle plus toutes ces femmes, oui, Laure. Non, mais je le comprends parce que moi aussi, je me faisais draguer par les papas, dont un qui était très insistant et marié, ça me mettait très mal à l'aise. Ah donc bon, je le comprends, ouais, la crèche c'est un drôle de truc. La crèche, l'école c'est un endroit où on se fait draguer? Bah oui, mais bizarre. Tu vois, micro tes papas, tu te fais draguer par les mamans célibataires? Oui, c'est plutôt sympa. Je comprends Dotia et Laure, parce qu'effectivement quand t'es en couple ça peut être un peu chiant. Et puis au bout d'un moment c'est juste des petits ragots de crèche, etc. Mais quand t'es célibataire comme moi, effectivement tu vas chercher ta fille à la crèche ou à l'école et tu discutes, et c'est vrai que parfois tu fais connaissance avec des gens plutôt sympathiques. Molotte Clément. Moi l'autre jour je suis allé chercher mon neveu en espérant me faire draguer, il s'est rien passé, il y a une femme qui est sortie qui m'a dit vous attendez un enfant? J'ai dit non, j'ai toujours été bon. Félicitations madame. Les amis, restez avec nous. Dotia, tu bouges pas de là, on a plein de monde aussi. On lance le hashtag, officiellement, hashtag ça m'avait pas manqué. Okay. Okay. Vous avez pas manqué pour cette rentrée, 7h14, 21 Pilots, voilà le son que je vous ai préparé. Et puis surtout un loyer, voilà ce qui est prêt. Je paye le loyer de l'un d'entre vous, il suffit de vous inscrire par SMS, loyer au 7-12-13, ça revient dans 2 minutes, bougez pas. Avec Lucas, l'attaquant de l'équipe. Oui, et ses chaussures de football Puma EvoSpeed. Avec leurs crampons coniques, elles adhèrent parfaitement au gazon. Ah, Lucas est aussi vif qu'une panthère, il traverse la défense, tire! Quel but! Le stade rugit de bonheur! Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les chaussures de football adultes EvoSpeed de Puma à 31,99€ au lieu de 49,99€, soit 35% de remise. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le poêle à granulés noir de 7,4 kW, programmable, avec gestion automatique de la température, est à seulement 849 euros. Offre limitée à 135 poêles à partir du 9 septembre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe. Gagnez du temps grâce à la livraison directement sur votre chantier.

Your radio. Virgin Radio Hit. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Guten Tag, les enfants. J'espère que vous allez bien. Jeudi 8 septembre, c'est Virgin Radio. Bien sûr, chaque matin, 6h, 9h, vous avez bien raison de vous réveiller avec nous. L'iPhone 12 a gagné. Oui. Deux iPhone 6. N'hésitez pas à 3716 s'il y a la lettre C dans votre prénom, ça vous va? Oui, c'est un peu simple. Clément, hein. Mais deux iPhone 6 à la même personne. C'est pas genre deux iPhone 6, on fait gagner. Sinon, ce serait un iPhone 6. D'accord. Clément, je vais offrir un iPhone 6. Ouais. Je vais offrir un iPhone 12. Alors, vous pouvez me faire marrer avec vos iPhone 7. Moi, j'offre le 12. Parfait. Et je rappelle Laure aussi l'iPhone Serge. Et vous tombez sur son ami Serge. C'est pas Siri, c'est Serge. Serge, où se trouve la rue Franqueur? Mais j'en sais rien où ça se trouve, moi. Débrouille-toi, mon grand. C'est l'iPhone Serge. Bon, 7h22, les amis, vous êtes là avec nous, je le sais, aussi pour gagner votre loyer. C'est très important pour vous. Je vois les SMS qu'on reçoit. C'est important pour nous. C'est un très beau cadeau qu'on vous fait chaque matin. Loyer au 7-12-13. Voilà comment vous inscrire. Par SMS, on vous rappelle, vous nous répondez Virgin Radio et c'est automatiquement gagné pour vous. Il y a une heure, on a eu Olivia, 1150 euros de chèque pour elle. Je rappelle, vous dépensez l'argent comme vous voulez. Non, on vous fait le chèque. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Qui est là? C'est Sabrina. Sabrina, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Eh oui, ma petite Sabrina, tu viens d'où? Je viens d'Allure, juste à côté de Lille, dans le Nord. Eh ben très bien, t'as un loyer de combien là-bas? 828 euros, c'est un remboursement de crédit. 828 euros, dites donc les amis, quand je mets gold, on le baisse pas? Parce que j'explique, Robin, notre réalisateur, il a 19 ans, donc il essaie de cacher gold. Oui. Non. Quand on met gold, on le met à toute berzingue. Merci. Ça s'écoute plus fort que ça, gamin. Sabrina, je suis très heureux. Le chèque est pour toi, 828 euros. Je te l'envoie tout de suite. Je suis très heureux. Et alors, tu le sais, hein, vous tous qui nous écoutez, et Sabrina aussi, toi que j'ai en direct, si je te reprends au téléphone le 16 septembre à 8h20, je t'offrirai le plus beau cadeau jamais offert sur une radio, puisque je te ferai un chèque de 498 000 euros. C'est les 50 ans de loyer, ma chérie. Et bah t'as intérêt à me rappeler parce que c'est le jour d'anniversaire de mon chéri, alors voilà. Eh bah, très bien, et bah écoute, j'espère t'avoir au téléphone, Sabrina, déjà félicitations. Et pour vous tous, hein, vous qui vous êtes inscrits depuis une heure encore, tous vos SMS sont comptabilisés, ça fait 10 que vous m'envoyez, vous êtes inscrits 10 fois pour ce tirage au sort exceptionnel du 16 septembre. Et tout de suite, on continue avec du vrai pop rock électro, même si on adore Gold. Virgin Tonic. C'est 21 Pilots Ride qu'on vous fait découvrir tout de suite. Bon réveil, c'est le Virgin Tonic. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. J'aime de plus en plus ce morceau. Il est génial. Ah, j'aime bien. Oui, 21 Pilot sur Virgin Radio, 7h27. Excellent réveil. On est là tous ensemble et à la popo du standard. 3916 pour nous joindre. Clément, bien oui. sûr. Pauline Laure, pardon. Excusez-moi, Laure est là aussi. Oui, là. Non, mais j'étais sur le 3916, c'est le numéro pour nous joindre. On vous offre l'iPhone 12 ce matin. Ah oui. Le quoi? L'iPhone 12. Deux iPhone 6. Vous nous appelez, il y a un 7 dans votre prénom et vous repartez avec deux iPhone 6. N'hésitez pas à vous inscrire parce que, alors voilà, il a été annoncé hier. On pourrait faire les mythos et vous l'offrir ce matin. Ça sert à rien puisque tout le monde l'aura le même jour. Ouais. L'iPhone 7. Donc, on vous promet, je vous jure, vous serez les premiers à l'avoir. On vous l'offrira le jour de la sortie. Wow. Mais le jour où on l'a vraiment et qu'on peut vous l'envoyer. Et oui. C'est un peu ridicule là. Donc, on vous l'offrira, comptez sur nous. Et alors je viens de voir un truc de dingue. Ouais. J'ai plein d'infos là. Sur le site de 20 minutes, j'ai pas pu assister alors à la grande conférence de presse Apple. Mais je sais que vous qui nous écoutez là en train d'ouvrir les yeux, sous la douche, en voiture, vous êtes intéressé par cet iPhone. Il fait rêver. Bah, oui. Le premier prix, tiens, est-ce que vous connaissez le premier prix? On va essayer de deviner dans l'équipe. Peut-être vous avez vu l'info, hein, Clément. Le premier prix, je dirais, sans aucune option, c'est au moins 500. C'est oh, plus. C'est... plus ah, oui. Bah, ouais. Alors, moi je dirais 700 au moins. C'est plus. Pauline. Oh. Mais non. Bah moi je dirais 1000. Oh, ah, calme-toi. Calme-toi, Galilette. 800. 769 euros. Mm-hmm. C'est vraiment plus proche. Alors, parce que maintenant, il n'existe plus qu'en 32 gigas. Alors, j'ai plein d'infos. Il résistera à l'eau. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas, ouais, mal. Alors, pas quand même, téléphonez pas dans votre bain, mais je veux dire, il sera un peu plus résistant, l'or. Oui, j'ai vu qu'il était étanche. Alors, il marque à la poussière et à l'eau dans moins d'un mètre d'eau. Mais à la poussière étanche, c'est-à-dire. Bah, ah, bah, si. Bah, c'est quand même pratique. Bah, c'est-à-dire, là, il pourra un peu plus prendre de l'eau, ouais. C'est ça? Non, mais là, ils disent qu'il est étanche à la poussière. Ouais. C'est quand même bah, drôle. Oui. Mais oui. Ah, mais oui, parce que la poussière, elle peut obstruer les écouteurs. Exactement. Ah, bien sûr. Ah, bah, voilà. L'appareil photo sera 60% plus rapide pour prendre la photo de tes plats. Toi, c'est bien, alors. Ouais, pas mal. Ah, je veux dire, t'as intérêt d'avoir du débit en cuisine. Hein. 12 millions de pixels. 12 millions de pixels, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est, oh, non. C'est génial. Non, mais c'est trop. 12 millions, mais je veux dire. Déjà 1000, c'est beaucoup. C'est trop. Je veux dire, je sais même pas ce que ça représente, mais c'est trop, quoi. Alors, on l'a dit, hein, le jack audio, c'est la prise pour les écouteurs, elle disparaît. Maintenant, ce sera sans fil. Ça, c'est horrible. Ah, ça va être risqué. Ça va être compliqué. Et alors, c'est dingue parce que l'autonomie, on critique souvent l'autonomie de nos iPhones, elle est rallongée. L'autonomie de l'iPhone 7, le prochain iPhone, est rallongée de 2 heures. Elle fera donc 2 heures. C'est quand même incroyable d'arriver à envoyer des vaisseaux sur Mars, d'avoir des images qui viennent de Mars et que ton iPhone à 11h du mat dise il me reste 16%. C'est pas possible, Nico du bureau. Moi j'ai appris qu'il y a des applis qui faisaient baissaient ton Snapchat. Truc. Et Snapchat par exemple, effectivement avec les filtres, tu t'amuses 2 secondes avec, mais genre ta batterie elle pèse. Ginger, attention, hein, là, c'est vraiment là. La spécialiste des nouvelles technologies dans l'équipe. Évitez Pokémon Go aussi pour la batterie, hein. C'est une catastrophe. Ah oui. T'as le GPS intégré en fait, donc le truc est tout le temps allumé, c'est même pas la peine. Évitez pour la batterie, pour trouver un mec aussi, évitez. elle le dit moins, oui. Ginger. 7h30, les amis, restez avec nous. C'est The Avener qu'on va écouter dans un instant. Qui sera la soirée électrochoc, hein. Dans quelques jours, organisée par Virgin Radio au Zénith de Paris. On a des places à vous offrir ce matin encore, hein. Restez avec nous. On fait un point sur l'actu, on revient dans 2 secondes. Le Virgin Tonic, c'est avec vous jusqu'à 9h chaque matin. Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore une très belle journée aujourd'hui sur l'ensemble des régions. À peine quelques averses ici ou là ce matin dans le sud-ouest, mais ça ne va pas durer. Le soleil sera omniprésent ce jeudi. Le mercure atteindra les 30 degrés cet après-midi à Strasbourg et à Lyon. Vous aurez 26 à Paris. 5 bonbonnes pleines de gaz découvertes dans le coffre d'une voiture à Paris. C'est un commerçant qui a donné l'alerte dimanche matin devant ce véhicule à l'arrêt et sans plaque d'immatriculation. Il n'y avait toutefois aucun dispositif permettant de déclencher une explosion. Un couple connu pour sa radicalisation a été interpellé dans le sud de la France. La femme serait fichée S. Au total, 4 personnes sont désormais en garde à vue. Journée de mobilisation contre la réforme des collèges. Les enseignants sont appelés à faire grève ce jeudi pour dénoncer notamment la mise en place de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Autrement dit, l'enseignement de plusieurs matières au sein d'un seul et même cours. Une grève qui irrite certains parents 7 jours seulement après la rentrée. Coup de matraque fiscale sur les CRS et les gendarmes mobiles. Le gouvernement pourrait augmenter les impôts des policiers et des gendarmes en les obligeant à déclarer leur prime de déplacement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et cela représente tout de même en moyenne autour de 5000 euros de revenus qui échappent ainsi à l'impôt. Les policiers pourraient faire grève. La construction d'un mur anti-migrant va débuter à Calais, financé par Londres. Ce mur de 4 mètres de haut et long d'un kilomètre aura pour but d'empêcher les migrants de grimper dans des camions. Les travaux vont débuter et ils auront lieu jusqu'en décembre. Sur les réseaux sociaux, des internautes font une comparaison avec le mur que Donald Trump promet de faire ériger aux États-Unis le long de la frontière avec le Mexique. La présentation de deux nouvelles consoles PS4 hier soir à New York. La PS4 actuelle va être remplacée par une PS4 Slim à 299 euros, dispo dès jeudi prochain. Et puis l'annonce d'une PS4 Pro vendue à 399 euros à partir du 10 novembre, une console survitaminée et adaptée aux écrans de télé 4K. Et puis une grosse keynote aussi hier soir pour Apple à San Francisco, la naissance d'un iPhone 7 et de sa version plus étanche et sans prise jack, proposée à partir de 769 euros et dispo dès le 16 septembre. Apple va aussi sortir une nouvelle montre, Apple Watch série 2, elle aussi étanche à 419 euros. Et puis des écouteurs sans fil baptisés AirPods à 179 euros. En tennis, des Français sur les courts ce soir à New York. Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut en demi-finale du double messieurs de l'US Open face à la paire Jamie Murray et Bruno Soares. Soirée rythmée aussi par les demi-finales dames. Serena Williams face à Carolina Pliskova et Caroline Wozniacki contre Angélique Kerber. Voilà pour l'actu, très bon réveil. Excellent réveil à vous tous, 7h33, c'est Virgin Tonic, bien sûr, jeudi 8 septembre. On est très heureux d'être avec vous. Courage à tous ceux qui sont déjà en voiture, d'autres préparent le petit-déj encore pour toute la famille. Beaucoup de bus scolaires à cette heure-ci. Oui. Les collégiens, les lycéens, merci en tout cas de démarrer vos journées avec nous, avec Laure qui est là. Salut les copains. Salut les sauces. Clément est là aussi, bien Bonjour. Sûr. Bonjour, ben, oh, ça va. Excusez-nous, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. Merci, votez utile, votez l'incruste. Et Pauline, bon. Pauline est au standard. Oui, coucou les lapins. Oh là là. C'est mignon. Ouais. J'en peux plus. Fantagoya. Elle me ralentit, cette équipe. Elle me ralentit. Les amis, restez avec nous. On a plein de cadeaux magnifiques à vous offrir, bien sûr. On a du pop rock électro. C'est The Avenger qui va arriver dans un instant. Et pour le moment, j'aimerais vous parler d'amour. Ah, ça c'est bien. J'aimerais vous parler d'amour. Je viens de voir une étude sur le site du magazine Biba. Mm-hmm. Oui. Vous lisez Biba, les filles, Pauline Laure. Régulièrement. J'adore. Très bien. Sachez que 71% des célibataires dans le monde entier, hein, pas qu'en France, se disent prêts à faire une soirée série pour un premier rendez-vous. Oh, c'est la tristesse. Ah ouais ? Eh ouais. Eh ben non, je crois pas, moi. Parce que, ouais, je crois pas. Je trouve que tu découvres un truc après la série, tu sais, tu la continues. Mm-hmm. Ça crée tout de suite un truc de premier rendez-vous. En gros, si vous ne savez pas quoi faire avec quelqu'un que vous avez envie de séduire, bah, proposez-lui peut-être de démarrer une série avec vous à la maison en plus. Mmh. Directement rapproché vers la maison. Messieurs et les filles, hein, apparemment, ça plairait à 7 femmes, 7 hommes sur 10, Laure. Alors moi, je suis pas célibataire, hein, pardon, mais je pense que ça me gênerait. 1, je kifferais pas vraiment le mec. Et 2, je kifferais pas vraiment la série. parce que je serai concentrée sur le fait qu'il va m'embrasser ou pas. Et de la même manière, si je suis concentrée sur lui, je peux pas me concentrer sur la série. Non, moi je pense que c'est mauvaise idée. Je pense que tu te concentres pas trop sur la série, mais c'est l'occasion de démarrer un truc machin. Et après, c'est un truc qui reste. Je trouve que ça, ça crée un petit truc tout de suite. Moi je serais plutôt pour. Hein. Je ne suis pas célibataire non plus, mais je serais plutôt pour Pauline. Bah moi je suis contre. Je pense que ça aurait pu tout faire, par exemple foirer avec mon mec, avec William, parce qu'il aime pas Game of Thrones, par exemple. Non mais William, je rappelle l'âge de William. La dernière série qu'il a vue, c'est Thierry La Fronde. À un moment donné, c'est compliqué pour lui. Attendez, la petite maison dans la prairie, il adore la série parce qu'il a connu tous les acteurs et il a joué dedans. Il a vraiment grandi dans cette situation-là. Oui, Clément. Non, en fait, je me dis que ça peut être pas mal pour ramener effectivement quelqu'un chez toi. Et après, tu fais le coup de la panne, mais de la boxe. C'est le coup de la panne moderne de. Ah, ah super. Ça, mais ça charge pas. Bah écoute, on va passer à la chambre. Peut-être que sur mon ordi, ça marchera mieux. Non, mais ça peut être pas mal. Tu es en train de me draguer? Vous sentez que c'est pas pourquoi Clément et Céline viennent nous faire une phase de drague. C'est une catastrophe. Ouais, 7h36, ouais. Les amis. Easy Avenger qui arrive, je vous l'ai dit. Pour le moment, bah tiens, Clément, on découvre ton réponse à tout. Réponse à tout. Oui, la drague, c'est pas mon truc. Moi, c'est la politique. Du coup, j'ai demandé aux enfants, tout simplement, ce qu'étaient les élections présidentielles. Cette année, enfin l'année prochaine du coup, il y a les élections présidentielles. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est pour choisir le président de la République. Alors, attendez, qu'est-ce que je dois faire si je veux devenir président de la République ? Il faut qu'on vote pour toi, sauf que ça va pas marcher. Et pourquoi ça va pas marcher ? Parce que t'es trop vieux. Est-ce que vous allez voter pour moi si je me présente aux élections présidentielles ? Non. Non. Je crois pas, hein. Non. Dans tes rêves. Alors maintenant, attendez, je vous donne mon programme. Si je suis président de la République... Je donne plus de leçons et il y a des bonbons pour tout le monde. Et je donne de l'argent à tout le monde. Ben moi je voterai pour toi. Et toi ? Oui. Toi quoi ? Je ne voterai pas pour toi. Pourquoi ? Parce que si tu donnes trop d'argent, on sera pourri gâté. Si tu donnes trop de bonbons, on sera gros. Et si tu ne donnes pas de leçons, et ben on sera débile. Ah bah vive la France. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. 7h37, The Avenger, excellent réveil. On est en direct avec vous jusqu'à 9h. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. Doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh, oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh, oh. Merci à vous tous, 8h20, j'espère que tout va bien, c'est jeudi. On est déjà le combien? Le 8 septembre. Oui. Ça passe à une vitesse. Courage à vous qui êtes peut-être encore au petit-déj, mais je sais, vous êtes très, très, très nombreux déjà sur la route. Et des bouchons, hein, dans les grandes villes, c'est ce que je vois. Courage en tout cas. Prenez votre mal en patience, comme disait ma mère. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Et alors, je vais vous dire, on vous a promis un beau cadeau. L'iPhone 7 a été présenté hier. Ok, il sera, il sort le, bah, je crois le 16. Le 16, ouais. Bah, le même jour que nos 50 ans de loyer. Ouais. Non, joue pas un peu au con là, tu fous là. Patron d'Apple là, de gueuler sur ceci. Bah, vous savez quoi, le 16 sera 50 ans de loyer et le nouvel iPhone aussi. Wow. Et ce matin, on a dit, bon, bah, puisqu'on peut pas vous offrir iPhone 7, puisque voilà, il est pas en vente encore. Donc, on s'est dit, on vous offre l'iPhone 12. C'est deux iPhone 6. Il suffit d'avoir un C dans son prénom et on a au téléphone, Brice. Salut Brice. Salut, salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Brissou, il y a un C dans ton prénom. Tu as été sélectionné au 39-16, mais tu dois encore gagner un jeu pour repartir avec tes deux iPhones, ton iPhone 12. C'est parti, jingle. Virgin Radio. Alors, à la place des paroles, il met que des slogans. Voici France Insolente. Ah, je suis tellement content de le revoir. Oh là là là là là là. Je suis content d'être ici, j'en avais une énorme envie. Oh, je suis heureux de vous voir. Hein. Vous avez vu que j'ai trouvé mon style. Ah, c'est ouais. L'Australien de Dim. Bah, c'est surtout la petite coupe à la ginger. Là. Allez voir toutes les images, on va mettre en ligne, bien sûr, sur le Facebook, le Twitter. Et vraiment, la perruque en radio, c'est toujours payant. Brice, mon pote, tu viens d'où déjà? Comment? Tu viens d'où, mon pote? Alors moi j'habite à Clermont dans l'Oise. D'accord, Clermont-Ferrand? Non, Clermont de l'Oise. Clermont de l'Oise, ah ben je connaissais pas. Ah, d'accord, voilà. Très bien. Tant que Clermont-Ferrand est pas dans l'Oise, donc ouais, en même temps c'était un peu prévisible. Alors attention, le principe est simple. François Slogan, c'est un ami, hein, Brice, hein, sois très à l'aise avec lui. C'est un chanteur un peu particulier. Il a rien à dénoncer, il a aucun engagement politique, aucune histoire d'amour à raconter. Ses paroles sont seulement des slogans de pub. Il faut retrouver le morceau original, d'accord? D'accord. Il a préparé trois chansons. Si tu as au moins deux bonnes réponses, c'est gagné pour toi, Brice. D'accord. D'accord. Très bien. On y va, premier extrait, c'est parti, Brissou. C'est parti. Chérie, le fromage des gastronomes en culotte courte. Entre mon, c'est autrement bon. Attention le refrain. Non, la cuisine, c'est nous et Schmitt. La cuisine, c'est nous et Schmitt. Oui, mais surtout, le fin du fin, c'est Plantard Vin. Bravo, j'adore ce jeu, Slogan de pub, mais d'il y a 10 ans. Hein, parce que... Oui, un peu. Le fin du fin, c'est plante à fin, c'est là on l'a pas vu depuis 10 ans. Hein. Brice, est-ce que tu as reconnu le morceau original? Je pense à Zazie, bien sûr. De la paix. Mettre un hôtel, rue de la paix, pour mettre un hôtel, rue de la paix. C'est bien. Si vous jouez au Monopoly, c'est pas très malin de mettre un hôtel rue de la Paix. Il vaut mieux acheter les oranges et les violets, boulevard de la Villette. Il y a plus de chances de tomber. Et en plus de ça, les hôtels sont moins chers à construire. Allez. Mais c'est ma passion pour le Monopoly. On y va. C'est parti. Même le mieux, c'est même le rouge parce que souvent, on reste bloqué au parc gratuit ou alors on va en prison et du coup, ça repart toujours du côté prison. Voilà, tout ce qui est violet, orange et rouge, c'est les meilleurs investissements. On y va. Brice, deuxième extrait du François Slow. Le tigre est en toi. Et quand c'est trop pico. Barbara goule des femmes qu'on n'oublie pas. Quand y en a marre, y'a mal là-bas. Pas de stress, il y a point S. Avec Scotch Brit, on nettoie tout vite. Merci. Brice, est-ce que t'as reconnu l'artiste original? Ah, malheureusement, je pense pas que je l'ai, tu vois. Ah, c'était The Weeknd. C'est trop pico. Alors, je crois que c'est mon jeu préféré. C'est trop bien. Je crois que c'est mon jeu préféré. Alors, on y va. François Slogan, mais je suis content que tu n'aies pas trouvé Brissou parce que au moins on a un troisième extrait. Là, il faut tout donner. Je rappelle, tu joues pour l'iPhone 12, deux iPhone 6. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio, soyez les bienvenus. François Slogan remplace des paroles de chansons par des slogans de pub. Brice, il y a beaucoup d'enjeux. C'est maintenant, il faut tout donner. Amour à part, amour du goût. Ticket, répare, car glace remplace. Petit écolier. ça n'est que pour les enfants. Avec Myrlène, mes vêtements, c'est de la balle. Je suis pas sûr du film. Magie, magie, vos idées ont du génie. Un peu comme Jiffy aussi, avec des idées de génie. Eh oui. Est-ce qu'on a reconnu? Je suis pas sûr de l'avoir, moi. Ouais, j'ai totalement... Mais si. Est-ce ouais, que t'as... Moi, je dirais Cher. Eh ben voilà. Oh là là, c'est ça, exactement. Oh, je l'avais pas. Super. Brice, félicitations, de bonnes réponses. L'iPhone 12 pour toi. Ouais. iPhone 12 pour toi, mon Brissou. C'est gagné, je te félicite. On t'embrasse très très fort. Merci en tout cas, vous êtes super, je vous écoute tous les matins, ça déchire. Eh ben t'es un amour, je t'embrasse très fort Brice, merci d'être à l'écoute, vous tous hein, qui nous écoutez, soyez prudents si vous êtes en voiture, 7h46, tout de suite on écoute LP Lost on You, excellent réveil sur Virgin. Virgin. Virgin. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Surrender is gone. And will you know? So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise our glass nations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. La seule radio qui t'offre l'iPhone 12 avant tout le monde, c'est Virgin Radio. En fait, c'est deux iPhone 6 scotchés ensemble, mais comme 2 fois 6, ça fait 12, bah voilà, ça marche. Félicitations à lui. On a encore des cadeaux magnifiques pour vous aussi. Des passes pour l'électrochoc, des séjours d'une semaine à la mer, à la montagne, et puis surtout un loyer. 8h20, nouveau loyer à gagner. Loyer au 7 ou 13 par SMS pour vous inscrire. Chaque texto augmente vos chances d'être aussi le grand gagnant. Le 16 septembre, à 8h20, du plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. C'est 50 ans de loyer que pour vous, les auditeurs du Virgin Tonic. Je vous ai aussi préparé le son de Kungs, Don't You Know, qui va vous aider à ouvrir les yeux. Excellent réveil à tous. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Un peu de silence s'il vous plaît.

septembre, j'espère que tout va bien pour vous. Bientôt 8h, un petit point sur l'actu dans quelques minutes à peine, comme chaque matin. Et puis juste après, la question de ouf. On écoutera tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. C'est autour des 8h05, l'équipe est là bien sûr. Oui. Je vous souhaite un très très bon réveil à vous tous qui êtes en voiture, je sais, déjà en route pour déposer les enfants à l'école. D'autres sont encore à la maison. Nous en tout cas, on est là jusqu'à 9h. Je voudrais saluer notre patron Fredo. Fredo, notre patron, parce que on parlait à l'instant et le gars ne sait pas dire iTunes. Il dit comment? iTunes. C'est mignon. Je vais pas. Oh là il dit iTunes. Machin, ouais, t'as vu, il y a les podcasts là sur iTunes. C'est incroyable, Willor. Ça me fait penser à mon père qui dit sandwich au lieu de dire sandwich. Il dit sandwich? Sandwich. Mais il pense que ça se prononce vraiment comme ça. Ma mère, elle arrive, elle me dit, il faudrait que tu mettes sur le téléphone vase. C'est quoi, Waze? Ça, tout le monde le fait. Moi, je dis Waze, par exemple, aussi, hein, tu vois. Je dis Waze parce que Waze. En fait, les gens comprennent pas Waze. Bah, t'as qu'à prendre la défense de ma mère, tu veux. Non, c'est Waze, tout le monde dit Waze, comment bah, ça oui. Ah non, bah, moi, oui. J'ai plein de potes de moi, à moi qui disent Waze. Ah non, et là, en tout français. Tout le monde dit Waze. Non, non, c'est pas possible, alors, Clément. Okay. Moi, ma mère, ce qui est énorme. Pardon. Ma mère, ce qui est énorme. J'ai des boulettes sur Clément. Des boulettes de papier. Et t'as vu un peu la carrure que j'ai, t'as réussi à cuisiner. T'as réussi à me louper. Ma mère, elle me dit à chaque fois, ouais. Facebook, j'ai compris, mais Twister, j'ai du mal. Twister. C'est normal, les parents qui aient du mal à. Oui. Il y a certains mots, ça. Non. Ça hein passe pas. Ça passe pas, ouais, ouais. Laure. Mon père, c'est Instagram, ça passe pas. Lui, c'est Amstramgram pour lui. Mais c'est mignon, j'ose même pas lui dire que c'est pas ça. Ma mère, elle a aussi à peu près bah, tous les acteurs américains. Ah bah oui. Donc ma mère, maintenant, elle fait un truc bien. Elle dit oui. Tu sais comment je l'aime bien cet acteur là, celui qui joue dans des films qui a des pieds. Ouais. Genre tu dois trouver. C'est le bras là qui est sympa. Ah, ouais. Okay, maman. Oui, Nico du bureau. Mais par exemple les chaussures aussi c'est très compliqué. Par exemple nous déjà Reebok, moi je disais Reebok à une époque. Ta mère dit fils au lieu de fila. Ah, mais je croyais que c'était fils au début. Ouais. Ma mère a dit Nick aussi, par exemple. Oh, mais non, quand même. Bah, non, Nike, oui, mais au début, c'était. Ouais, t'es ouais. Nick. Ah bon ouais. Ah bon oui, Pauline. Moi, mon père, il est trop mignon. Il m'a dit cet été, j'ai fait du R&B pendant 10 jours. Et en fait, c'est Airbnb. Et moi, je l'imaginais, tu sais, en train de faire du R&B. Tracking me, everybody means and do that me. Papa, pourquoi t'es allé faire du R&B pendant 15 jours? Je sais pas. Une ambiance. Trop mignon. Nico, tiens, Nico est avec nous, il y a plein de monde au standard. Nico, est-ce que toi aussi, et je suis sûr que oui, hein, est-ce que toi aussi, à tes parents, il y a une phrase qui prononce mal, un mot qui prononce mal? Ouais, salut les copains. Salut Nico. Moi, ma mère, c'est la championne, mais la championne. Tu vois, elle me dit, j'ai vu un film hier, mais avec Will Smith. Mais ouais. Ouais, parce qu'elle, elle le lit comme c'est écrit. Hein. Ah ben, tiens, t'es à table, elle te dit tiens, prends un petit morceau de bacon et puis en dessert, j'ai fait des muffins. Bah, tu vois, moi, ma mère, pour me dire j'ai vu un film avec Will Smith, elle me dit j'ai vu un film avec l'acteur là qui il fait des soucoupes. Voilà. Ça va te faire ton chemin jusqu'à Will Smith. Oui, donc, ma petite Pauline. Mais moi, quand elle regarde Desperate, ma mère, elle me dit j'adore. Ah, déjà, fais dire à ma mère Desperate. Ouais, je pense qu'elle adore la sensation, on pourrait l'appeler juste pour ça. Dis-moi Desperate. Oui. Oui, et ça, elle me dit ma préférée c'est Eva Angora. Et je trouve ça tellement mignon. C'est joli. Mais c'est vrai, oui. Je trouve que ça devrait être son vrai nom. Eva Angora, oui, Tinder sur les réseaux. Ma mère, elle avait des soucis. Tu m'as dit quoi, Nico? Elle mange du sheba en plus. Pour dire je t'aime. Ginger. Ah, oui. Ma mère avait des soucis avec MSN, Messenger, tu te rappelles? Elle appelait ça M&M's. Et elle était incapable. Ah, mais c'était M&M's. Ah, de passer tes soirées sur M&M's. Tu me parles en fait. Mais c'est génial. C'est génial. C'est que quand t'engueules tes gosses, t'as aucune crédibilité quoi. Ah bah non. Arrête de passer tes soirées sur M&M's. Voilà. Déjà, toi alors, tu dois dire ta mère, tu dois regarder ta mère en disant non mais c'est trop drôle parce qu'elle sait pas dire un truc. Et toi ta fille elle doit déjà te regarder en disant ah là tu sais pas qu'elle est là. Et puis après le pire les amis, c'est quand elle te dit mais pour me détendre j'écoute un petit morceau du 2. Du 2. Du 2. Ça c'est le pire. Ma mère, elle écoute pas du Ben Harper, elle écoute Bernard Peur. Pourquoi il chante en anglaise, Bernard? On a une langue magnifique, c'est ridicule. Caroline, est-ce que toi aussi tu nous appelles au 3916, tes parents prononcent mal une phrase? Salut l'équipe. Salut ma mère. Alors moi, c'est mon papa qui essaye de rester dans le move. Depuis un an et demi, il s'est acheté une PlayStation. Ah bah oui, bien sûr. Ah ouais. Donc j'ai voulu lui expliquer que c'est pas une station de métro, mais ça veut pas. Mais moi, mes parents savent même pas si c'est une PlayStation. Hein. Ah oui. Ouais, non mais ça c'est une console, mais je veux dire il serait pas non larguer sur la PlayStation. Oui Pauline. Ah bah moi il Pauline a maintenant elle vous explique, elle veut me dire qu'elle veut parler, elle fait carrément des positions de yoga maintenant. On dirait la couverture de la comédie musicale Flashdance quoi. On se fait signe genre ouais machin. Elle est carrément maintenant elle te fait des flex de trucs sans devoir trop en répète quoi. C'est pas possible. Bah rien pour ça on t'entendra. Pauline, je t'embrasse très fort ma chérie. Restez avec nous sur Virgin Radio, Kungs, Don't You Know, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Un point sur l'actu, on est là jusqu'à 9h à vos côtés chaque matin, le Virgin Tonic. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, à peine quelques averses ce matin sur le sud-ouest, mais pas de soucis, la journée sera encore bien ensoleillée sur l'ensemble du pays et la vague de chaleur d'ailleurs se décale sur les régions de l'Est. Vous aurez seulement 26 degrés cet après-midi à Paris, mais 27 à Marseille, 29 à Chambéry et 30 pour Strasbourg ainsi que pour Lyon. 4 personnes actuellement en garde à vue après la découverte d'une voiture contenant des bonbonnes de gaz et plusieurs bidons de gasoil dimanche matin à Paris. Le véhicule stationné, laissé à l'abandon, sans plaque d'immatriculation, ne disposait toutefois pas de système permettant de déclencher une explosion. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier. Salah Abdeslam vient d'arriver au palais de justice de Paris. Le seul terroriste encore vivant des attentats du 13 novembre doit y être interrogé par un juge d'instruction. Va-t-il parler ou continuer de se taire ? Le détenu le plus surveillé de France a toujours refusé de s'exprimer. L'actu social avec un appel à la grève aujourd'hui dans les collèges. Des syndicats invitent les enseignants à se mobiliser contre la réforme mise en place dès la 6e. Un mouvement qui devrait toutefois être peu suivi, d'autant qu'il irrite les parents à peine une semaine après la rentrée. Sexisme, pas notre genre, c'est le slogan affiché sur un badge disponible dès aujourd'hui à l'occasion du lancement d'une campagne contre le sexisme. Campagne lancée par la ministre des Droits des Femmes et soutenue par l'actrice Julie Gayet. La compagne est le dernier atout de François Hollande. Deux couples d'amis qui se promenaient en vélo à famille dimanche à Toulon ont été sauvagement agressés. Une bande de jeunes de 17 à 22 ans les ont attaqués sous prétexte que les femmes portaient des shorts. Deux agresseurs présumés ont été arrêtés et d'autres sont activement recherchés. La keynote d'Apple hier soir à San Francisco, trois grandes nouveautés. La sortie d'un iPhone 7 étanche et sans prise jack en deux dimensions à partir de 769€ et dispo dans 8 jours. Une deuxième génération d'Apple Watch, là aussi étanche et proposée à 419€. Et puis des écouteurs sans fil baptisés AirPods à 179€. Et puis aussi la présentation à New York de deux nouvelles versions de la console PlayStation de Sony. Une PS4 Slim à moins de 300€ et une PS4 Pro survitaminée commercialisée à partir du 10 novembre à 399€, adapté à la télé ultra haute définition 4K, et puis plus d'infos gaming, vous le savez, la revue Jeux Vidéo Magazine. Enfin en tennis, les demi-finales dames de l'US Open ce soir à Flushing Meadows. Serena Williams s'opposait à la tchèque Karolina Pliskova et Caroline Wozniacki opposée à Angélique Kerber. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et son équipe. Très bon réveil. Merci à vous tous, 8h03, j'espère que tout va bien pour vous. Jeudi 8 septembre, le Virgin Tonic à vos côtés chaque matin, 6h, 9h. Laure est ici. Bonjour à vous. Bonjour, Clément est là. Présent. Pauline est au standard. Coucou la compagnie. Écoutez, regardez, 39-16. Ça sonne. Allô. Allô, bonjour Pauline. Coucou, ça va? Oui, ça va très bien et vous? Oui, vous appelez pourquoi? Pour rien, au revoir. Oh le canular. Oh non. Je vais te faire canuler ma grande. 8h04, appelez-nous si vous voulez repartir avec des séjours à la mer ou à la montagne. Et puis un seul numéro, le SMS, le... Pardon, loyer au 7-12-13, loyer au 7-12-13, c'est très simple. Loyer sur votre téléphone, vous mettez un espace, votre numéro de téléphone, puis vous l'envoyez au 7-12-13, c'est ça. Ah oui, il y a un petit bug. Non, mais vous compliquez loyer. La chose. Vous envoyez loyer au 7-12-13, vous êtes automatiquement inscrit pour le tirage de 8h20. Ça, c'est pour les 1 mois de loyer, 1 mois de mensualité de crédit remboursé. C'est à 6h20, 7h20 et 8h20 tous les matins. Mais surtout, pourquoi j'en parle? Pourquoi j'arrête pas de vous le répéter? C'est que chaque texto, quoi qu'il arrive, il n'est pas perdu, puisqu'il augmente vos chances d'être tiré au sort pour le plus gros cadeau. jamais offert sur une radio en France. 50 ans de loyer. Je veux dire, on a les meilleurs auditeurs de France. Vous êtes tellement marrant le matin, vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement sympa sur les réseaux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque matin. Et depuis 2 ans, on s'est dit, mais il faut les régaler, il faut leur faire le plus gros cadeau qu'on ait jamais offert. Et c'est ce qu'on va vous faire le 16 septembre à 8h20, 50 ans de loyer. On vous fait un chèque, hein, dans montant de 50 ans de loyer. Vous le dépensez comme vous voulez. Vous avez un loyer de 1 300 €, je vous ferai un chèque de 780 000 euros. Waouh! Voilà, idéal, voilà, vraiment pour faire un vrai projet de vie, pouvoir changer plein de choses, pouvoir changer de vie même. Voilà, c'est un chèque énorme que je vous ferai vendredi prochain, 8h20. Je vous souhaite bonne chance à tous et on tirera au sort parmi tous ces SMS que vous m'avez envoyés. Vraiment, vraiment, vraiment, on est impatient d'avoir quelqu'un au téléphone et de lui faire très, très, très plaisir. Puis quoi qu'il arrive, je vous l'ai dit, un mois, c'est dans moins d'un quart d'heure. Kungs, ça vous dit ? Allez, ouais, allez. Eh ben, soyez patients, puisqu'avant, il y a la question de ouf de monsieur. Question de ouf. Eh oui les amis, Clément a ouvert un répondeur 01 84 07 08 09. Chaque jour, vous laissez vos messages en répondant à sa question. Allez, ce matin c'est une question pour les parents. Que fais-tu pour être le préféré de ton enfant ? Eh bien moi, pour être leur préféré, je ne les gronde jamais. Ça fonctionne du tonnerre, je passe pour la super gentille. Moi je leur dis que je connais personnellement le Père Noël et le patron du laser game. Vu que j'ai mes enfants, donc une fois toutes les 2 semaines, à la maison en fait c'est ciné, McDo, karting. Puis bah les devoirs, ça je laisse à leur maman. Moi je les laisse habiller comme ils veulent, mais bon, je vous cache pas que des fois c'est avec 14. Alors moi c'est quand ma femme fait de la soupe aux gamins, je peux pas m'empêcher de la ramener des bonbons discrètement dans leur chambre parce qu'ils me font tellement pitié. Souvent quand je leur demande qui ils préfèrent, bah du coup ils me disent papa. Alors je leur glisse un petit billet de 10 euros. En général, ils changent d'avis. Quand je leur repose la même question, bah du coup ils disent que c'est moi. Question de ouf. Merci pour toutes vos réponses. 8h06, Kungs sur Virgin Radio. Excellent réveil. On est là à vos côtés jusqu'à 9h. Let's go! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Tonic. Virgin. Virgin. Tonic. I'm gonna wreck your back. Take it left. I'm gonna wreck your back. Don't stand no. I'm gonna vous tous sur Virgin Radio. C'est jeudi, c'est le 8 septembre, le Virgin Tonic est là, Laure, Clément, oui, Pauline, bonjour. Vous tous, bien sûr, au 3916. Merci vraiment de vous réveiller avec nous. Je sais qu'à cette heure-ci, vous êtes encore en train de déposer les enfants à l'école, vous êtes très nombreux en voiture, d'autres sont encore à la maison. Merci en tout cas de démarrer vos journées à nos côtés. On se fait un petit coup de programme télé ? Ah ouais ? On l'a pas encore... alors attendez, on l'a pas encore fait, moi j'aime bien faire ça tous les jours. Ne bougez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Oui ? La vengeance aux yeux clairs. Ah, oui. Ça a l'air pas mal. Sur TF1, ouais. Avec non, Laetitia Millot. Et oui, voilà, c'est ça surtout. C'est un peu un nouveau truc, ça. Ils aiment bien sur les yeux. Il y avait les yeux d'Hélène à une époque. Ils s'est même fait un truc sur les yeux. Oui, Laure. Oui, puis un jeune comédien trop beau gosse dedans. Il s'appelle Gautry. La Lippe. Ah oui. Ouais, bon, voilà. Donc ça donne très envie de le voir. D'accord. En tout cas, tu as donné bien envie. Ouais. Tu l'as bien envie. S'il n'a pas d'agent, ce comédien, bah écoute, qu'il vienne nous voir. Parce que Laure. Mais si, il faut que tu le prennes, c'est Gautry. Enfin, machin, quoi. Il est beau gosse. Il est compliqué. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, pourtant, je défends souvent. Alors, sur C8 à 18h10, il en pense quoi, Camille ? N'hésitez pas. Jetez un œil, évidemment. Surtout, n'hésitez pas. Alors, après, il y a Touche pas mon poste. Après, il y a The Mask. Ah, j'adore. Ah, ouais. J'adore. On l'a un peu vu 600 fois, là, quand même. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il est passé il n'y a pas longtemps, Clément. Est-ce qu'on peut résumer en disant qu'il n'y a rien de fameux ce soir à la télé ? Il n'y a rien de fou. Y a rien de fou. À part à 18h10. Eh, évidemment. Oui. Évidemment. T'as bien sûr, évidemment, bien sûr. En fait, quoi, tiens, quand il n'y a rien à la télé ? Là, vous voyez, je suis en train de me dire, je suis sûr que vous qui m'écoutez pareil, je suis en train de vous dire, ah, à la télé, je me demande ce que je vais faire ce soir, Laure. Moi, je lis. Moi, je lis beaucoup. Je lis au moins 2 livres par semaine. Oh. Deux livres ? Non, lire. Lire quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ce mot ? Non, tu lis 2 livres par semaine ? Ouais. Bah, le programme télé déjà. Ça m'actuel. C'est vous qui me charriez là, vraiment. Non, mais j'adore. On retire. Merci. Tu fais quoi, ma popo, standard, quand il n'y a pas, quand il n'y a rien à la télé, comme ce soir ? Eh ben, moi, je fais tous mes rattrapages de couture pour amortir la Singer que j'ai achetée, la machine à coudre. T'as acheté une machine Singer ? Oui. Je l'ai payé, mais je l'ai payé cher, hein. C'est une belle machine. Non, hein. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille ? Mais c'est pas possible. Mais tu te rends pas compte ? C'est à cause de Willou Languille, ça. Non. Et là, je suis la femme idéale. Oh là là, c'est à cause de ton nouveau mec. Il aime bien. 10 ans de décalage. Willou la cartouche, comme on l'appelle. Bordeaux. Ah oui, là. Mais c'est l'inverse, en fait. Elle a trouvé un mec de 10 ans de plus parce que ça colle à ses... Et limite, on devrait s'étonner qu'il ait que 10 ans de plus. Ouais. Non, mais sérieux. Non, mais son mec, William, des fois, je suis sûr, il se couche, il dit, allez, regarde. Non, arrêtez. Marc, au 3916, tu fais quoi quand il n'y a rien à la télé, mon pote ? Salut. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Salut. Je fonctionne par étapes, en fait. Et la première, c'est commencer sur la chaîne 1 et nexter jusqu'à la 797 et recommencer à 1 jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de bien. Sinon, la deuxième, on va dire, c'est un peu plus, je vais sur l'ordi, ou là, c'est la feignante. Qu'est-ce qui est le plus proche de moi, l'ordi, la manette de play, ça varie. Ah, moi, l'ordi, moi. Oui, s'il est allumé, s'il est allumé. Ouais, ah ouais. Moi, je sais que c'est les soirs où je me fais beaucoup de fail internet. C'est quoi ? Je peux me régaler, les chats qui n'arrivent pas jusqu'à l'autre balcon. Ah oui. Tu vois, l'enfant qui s'endort avec un bulldog. Mmh. Tu vois, les trucs que tu regardes jamais là ce soir-là. Quand il y a la télé, c'est le moment où je me régale avec ça. Oui, Pauline ? Eh bien, tu t'entendrais bien avec William. Il adore ce genre de petites vidéos marrantes. C'est super. Mais lui, il met en VHS, non ? Il est sur une cassette vidéo, lui. Marco ? Oui ? Je vais te demander. Ouais, dis-moi. Oui, oui. Non, j'allais dire sinon au troisième, bah éventuellement je fais Ah, et Carisseur. Oh, je connais. Bah oui, c'est la. C'est les gens qui nettoient la ville de Carrie pour le louer. Non, pas du tout. C'est quoi, Clément ? C'est en rapport avec la boucherie. Ouais. Presque. Tu transportes. C'est de la viande, oui, que tu transportes les carcasses de viande. Les carcasses d'animaux, c'est ça. Oh. D'accord. Ok. Et pour pas qu'on te rentre dedans, attends, alors ne parle pas, juste laisse-nous écouter ton Clio. Ouais. Mais c'est le plus gros studio au monde. Mais c'est pas possible. Marc, je t'embrasse très très fort. Merci d'avoir été avec nous ce matin à 8h14. Manzel Merlan, Should Have Gone Home. Excellent réveil à vous dans le Virgin Tonic. Marc est avec nous. Il peut s'inscrire au loyer, c'est 12-13. Vous tous aussi, on va vous payer votre loyer dans quelques minutes à peine. Restez avec nous, c'est le Virgin Tonic. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20Go avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20Go sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20Go à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016.

Justin au 88 000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 € par semaine DGP. Tout le monde prend des photos avec son smartphone. Mais les utilisateurs de Printic, eux, en font de vrais souvenirs. Avec Printic, imprimez vos photos depuis votre téléphone. Format vintage, carré, magnète déco, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vite, rendez-vous sur l'appli Printic ou sur printic.fr. Actuellement, 25% de remise avec le code MAPHOTO. Printic, tes photos en 3 clics. Combien de temps va réellement durer votre histoire d'amour? Envoyez moitié au 73202 pour savoir combien de jours, de mois, d'années votre moitié restera à vos côtés. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop, rock, électro. En images. Hi, this is Lenny Kravitz. Salut, c'est Christine Anne de Queens. Salut, c'est Julien Doré. Hi, this is Sia. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% Music. C'est Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Rock Electro. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. 8h21, vous avez bien raison d'ouvrir les yeux, de démarrer vos journées, d'écouter dans votre voiture le Virgin Tonic chaque matin, surtout à 6h20, à 7h20 et à 8h20, puisque toutes les heures, on vous paye votre loyer. On vous rembourse une mensualité de crédit, on vous fait le chèque, vous le dépensez comme vous voulez. C'est la bonne nouvelle, il suffit de vous inscrire au loyer au 7-12-13 par SMS. Bien me laisser votre numéro de téléphone. Vous avez jusqu'à la dernière seconde pour vous inscrire là, jusqu'à ce que l'alarme retentisse. On y va, c'est parti. Dernier tirage au sort de la matinée. Allô ? Virgin Radio. Ah ben voilà. Allez, c'est bon, c'est gagné, bravo. Alors on dit même plus bonjour. Olivia, à 6h20, on l'embrasse encore, elle a gagné son loyer. Sabrina, il y a une heure, on avait déjà offert pour 2 000 € de loyer. Ouais. Et on a notre dernier gagnant du matin. Alors normalement, c'est quelle est la radio qui paye ton loyer, Virgin Radio? Là, on pose même plus la question. Ah oui. Mon Jojo, c'est ça, Jonathan? C'est ça, ouais. Tu m'avais laissé ton prénom. Jojo. Tu viens d'où, Jojo? Je viens de Nantes. De Nantes, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeur dans une boutique de jeux de société. Oh, énorme, j'adore les jeux de société. Voilà. C'est quoi le gros hit en jeu de société en ce moment? Ce qui marche très très bien, c'est Codenames et Imagine. Codenames, c'est un espèce de pyramide revivité qui marche très très bien, une équipe contre l'autre. Alors, et Imagine. Pyramide, faut deviner les mots. Hein. Ouais. Ouais, bah là c'est pareil en fait, tu dois deviner des mots qui sont sur le plateau et c'est vraiment très sympa. Et voilà, et Imagine où tu fais un peu d'animation avec des petites cartes et t'essayes de faire deviner des concepts à tes équipes. C'est énorme parce qu'on sent le bon vendeur. J'ai envie d'acheter le jeu maintenant. J'ai déjà envie d'acheter le jeu. Jonathan, mon bichon, il est de combien ton loyer à Nantes? Il y a 350 €. Eh ben, je suis très heureux. Je te fais un chèque de 350 et en plus tu l'as compris, hein. Tous les SMS et vous tous aussi, hein, qui vous inscrivez et pendant 3 semaines. Chaque SMS que vous m'envoyez augmente vos chances d'être le gagnant le 16 septembre à 8h20. 50 ans de loyer. Et ouais, mon petit Jojo, je te ferai un chèque de 210 000 € si je te reprends au téléphone le 16 septembre. Ah, c'est énorme. Ah, énorme. Eh ben, ça en fait des bonnes payes, hein. Je t'embrasse, mon Jojo. Et vraiment, Jonathan et vous tous, je vous souhaite bonne chance. C'est le plus gros cadeau que j'aime vous faire sur une radio. Voilà, le 16 septembre, 8h20, on offrira 50 ans de loyer à l'un ou l'une d'entre vous. Et le loyer de retour demain à 6h20. Loyer au 7-12-13 par SMS. Et Manzel Merlov, tout de suite, excellent réveil. Je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je te mens mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. Je chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. Belle matinée à vous tous sur Virgin Radio, 8h26. On est là à vos côtés jeudi, et oui, la matinée a bien commencé, j'espère pour vous. Peut-être que vous venez tout juste de déposer les enfants à l'école. En tout cas, je sais que vous êtes encore très très très nombreux en voiture à vous rendre au travail. On pense fort à vous. Laure Clément Poli. Oui, salut. Les infos, c'était quelle heure? C'est 8h30. Bah oui. Et oui, comme tous les matins, ça arrive bien sûr avec tous nos journalistes en direct depuis plus de 60 villes. Oui. J'ai 60 journalistes en France. Ah ouais. Et puis juste après, ce sera le réponse à tout de Clément l'Incruste. Pourquoi les garçons c'est nul? Pourquoi les... C'est ça la question? J'avais posé la question qu'à des filles. Et les amis, on a lancé un hashtag ce matin. Oui. Si on fait trop. Le hashtag du coup vous adressez, c'était hashtag ça m'avait pas manqué. Ouais. Ouais. Alors, c'était pas prévu, on a parlé avec vous et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que autant on est très heureux de reprendre sur Virgin, mais il y a toujours un petit truc, même vous hein, qui êtes en train d'aller au bureau, petit truc quand même, vous dites ah, attends, ah le petit Bertrand là avec la mauvaise haleine, là, la caisse du chat ouais. Tous les jours, il m'avait pas manqué. Ouais. C'est un truc que vous avez pas manqué, Clément. Moi, c'est les mains molles du premier étage, tous ceux du premier étage à la radio, ils te serrent la main de manière assez molle. Et j'ai vu depuis la rentrée, donc c'est pas une blague, j'explique, ils ont mis un baby foot en bas, je suis sûr que c'est persuadé, c'est pour les durcir. Ah, tu sais, je pense que s'ils jouent, ils vont avoir des vrais poignées de main après. Notre bureau qui a une PlayStation, un baby foot, ça devient. Ça pousse vraiment au travail. Hein. Laure. Moi, les devoirs, ça m'avait pas manqué. Du coup, là, il y en a trois fois plus. Parce que maintenant, les devoirs. Ah oui, t'es en quatrième. Ouais. Ça, c'est l'important. Alors, t'as pris quoi, LV2 ? Je suis en troisième. Merci. Et puis, surtout, t'es ta fille. Avec ma fille et les enfants de Julien maintenant. Ils sont à la maison. Classe. Alors, CE2 et 6e, entrée en 6e. Les deux dans une nouvelle école en plus et tout. Donc, bon, le stress. Du coup, bah, je vais pas les aider à faire leurs devoirs parce qu'ils vont m'en vouloir. Donc, attends, c'était déjà compliqué avec chaud, une fille. Ouais. Donc, maintenant, t'as trois devoirs à faire. Ouais, et là, c'est chaud. Donc, moi, je fais tout ce qui est langue. Anglais, espagnol, français. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Et Juju, il fait maths, histoire, géo. Voilà. Donc, d'accord. Ouais, bon, et qui bah, fait sport? Ah bah c'est pas moi. Bah non, bien sûr. C'est quoi le truc qui vous avait pas manqué au boulot? On vous a rappelé aussi au 39, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux. Delphine ma chérie, salut. Coucou Camille, coucou toute l'équipe. Salut. Ma petite Delphine, qu'est-ce qui t'avait pas manqué toi à ton travail? Alors moi ça m'avait pas manqué les discussions de courtoisie autour de la machine à café le matin, alors que toi tu viens juste prendre ton café tranquille. Oh c'est un bon moment. J'adore. Non. Oh, franchement, non. C'est un bon moment, Clément. Moi, j'adore ceux qui ont rien à dire, mais qui veulent quand même te parler, qui se mettent à la machine comme un petit. Alors? Alors, quoi de neuf? Ça va. Bah, moi, j'étais content, on a retrouvé Chuck Norris à la machine. Vous savez, le matin, qui remplit, c'est normal, c'est comme dans toutes les boîtes, il y a quelqu'un qui distribue. Et nous, c'est vrai que bah, c'est Chuck Norris, quoi. Oui. J'adore cette jeune femme, oui, Clément. Oui, t'oublies de dire que c'est une femme. C'est ça, elle est adorable en plus. Mais non, mais pas du tout! Bah non, mais c'est la coupe, hein. C'est que pour la coupe. Hein. Elle a la coupe un peu de Chuck Norris. Ouais, c'est vrai. Bah, elle le sait. Nico du bureau. C'est pas de parler qui est chiant, c'est les discussions que t'as, c'est des banalités. C'est genre, je sens qu'il va faire chaud aujourd'hui. Franchement. Et alors on le sait tous. Ouais, fois c'est vrai. Il va faire quel temps aujourd'hui, d'ailleurs? Mickaël, qu'est-ce qui va te manquer, toi, au travail? Salut, mon pote. Salut, salut Camille, salut toute l'équipe. Ben moi, ce qui va me manquer, c'est le bruit du néon en fin de vie qui clignote toute la journée. J'ai juste envie de le débrancher parce que j'ai l'impression qu'on me prend en photo toute la journée, quoi. Ah oui. Ah, c'est un son insupportable. Pas le néon, mais ça clignote. Il commence à être, ouais. Il commence à être dans le dur, quoi. Ah, déjà, quand t'es éclairé au néon, c'est dur, déjà. L'éclairage au néon, ah, franchement, il est dur. Ouais, c'est compliqué, hein. Mon petit Mika, je t'embrasse très fort. Ciao, ciao, tout le monde. Salut. Je fais bien le néon. Ouais. On l'a. Oh, c'est horrible. Attendez, écoutez. T'entends, Mika? J'entends. Ouais, non, éteins ça, débranche. Vraiment, frigo. Je suis en train de bronzer. Ah oui, c'était un néon UV. Oh là là, mets un filtre de protection. Mika, je t'embrasse. Delphine aussi. 8h30, les copains, restent avec nous. Un point sur l'actu à 8h30 comme chaque matin. Serge Peretta, I Cry. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Belle matinée à tous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore une très belle journée aujourd'hui sur l'ensemble des régions. À peine quelques averses ici ou là ce matin dans le sud-ouest, mais ça ne va pas durer. Le soleil sera omniprésent ce jeudi. Le mercure atteindra les 30 degrés cet après-midi à Strasbourg et à Lyon, 26 à Paris. 5 bonbonnes pleines de gaz découvertes dans le coffre d'une voiture à Paris avec des bidons de gasoil. C'est un commerçant qui a donné l'alerte dimanche matin devant ce véhicule à l'arrêt, abandonné, sans plaque d'immatriculation. Il n'y avait toutefois aucun dispositif permettant de déclencher une explosion. Un couple connu pour sa radicalisation a ensuite été interpellé dans le sud de la France. La femme serait fichée S. Au total, 4 personnes sont actuellement en garde à vue. Journée de mobilisation contre la réforme des collèges. Les enseignants sont appelés à faire grève ce jeudi pour dénoncer notamment la mise en place de l'interdisciplinarité. Autrement dit, l'enseignement de plusieurs matières au sein d'un seul et même cours. Une grève qui irrite les parents 7 jours seulement après la rentrée. Coup de matraque fiscale sur les CRS et les gendarmes mobiles. Le gouvernement pourrait augmenter les impôts des policiers et des gendarmes en les obligeant à déclarer leurs primes de déplacement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça représente en moyenne autour de 5000 euros de revenus qui échappent à l'impôt. Les policiers pourraient faire grève. La construction d'un mur anti-migrant va débuter à Calais, financé par Londres. Ce mur de 4 mètres de haut et long d'un kilomètre aura pour but d'empêcher les migrants de grimper sur les camions. Les travaux auront lieu jusqu'en décembre. La présentation de 2 nouvelles consoles PS4 hier soir à New York. La PS4 actuelle va être remplacée par une PS4 Slim à 299 € et dispo dès jeudi prochain. Et puis une PS4 Pro vendue 399 € à partir du 10 novembre. Une console survitaminée et adaptée aux écrans de télé ultra haute définition. Et puis une grosse keynote aussi hier soir pour Apple à San Francisco. La naissance d'un iPhone 7 et de sa version Plus, étanche et sans prise de jack, proposée à partir de 769 € et dispo le 16 septembre. Apple va aussi sortir une Apple Watch série 2, elle aussi étanche à partir de 419 €. Et puis des écouteurs sans fil baptisés AirPods à 179 €. En tennis, des Français sur les cours ce soir à New York. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en demi-finale du double messieurs de l'US Open face à la paire Jamie Murray et Bruno Soares. Soirée rythmée aussi par les demi-finales dames Serena Williams face à Carolina Pliskova et Caroline Wozniacki opposée à Angélique Kerber. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Je vous souhaite une très très belle matinée. Bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez tout juste, on est là 6h-9h, le Virgin Tonic chaque matin. On est très content d'être là. Laure va vous dire bonjour en espagnol. Buenos dias. Clément va vous dire bonjour en allemand. Guten Tag. C'est tout? Bah bonjour. Ouais, mais bonjour qui? Ah, willkommen. Et Pauline va vous dire bonjour en russe. Brust. Eh ouais. Non. Elle parle russe. Ah bah ouais. Oui, j'y suis allée plusieurs fois. Hein. Ah bah attendez, t'es allée plusieurs fois au Kremlin. Ah oui. T'es plusieurs fois. 8h34 les copains. J'espère que tout va bien pour vous. Courage et prudence surtout si vous êtes en voiture. Vous le savez, on a encore un cadeau magnifique à vous offrir. C'est le séjour à la mer ou à la montagne. Mmh. Une semaine de vacances. Ça c'est sympa hein, pour 4 personnes. Voilà ce qu'il y a à gagner avant la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous inscrire au 3916, le pop rock électro de Serge Peretta qui va arriver. Mais pour le moment, vous l'attendez tous. Nous aussi, je l'adore ce rendez-vous. Quand on donne la parole aux enfants, c'est la réponse à tout. Réponse à tout.

Bah, il est très bien même. Mais non, mais t'as toujours des trucs, t'es pas habitué. Et là, j'ai la ceinture. Donc là, la ceinture, pardon, la fermeture éclair qui descend. Ah. Je la remonte, c'est gênant. Il y a toujours un truc. Non, quand vous changez de marque de jean et tout, il y a toujours un truc. J'ai voulu tester. Ah, c'est. Non, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a, Clément ? C'est pas ce qu'on peut appeler un moment gênant, parce que tu peux le cacher. Un moment gênant, c'est quand vraiment t'as la honte et tout. Là, t'es là. Si tu te balades comme ça aujourd'hui en cachant ta braguette, ça passe. C'est pénible quand même. C'est gênant, c'est pas possible. C'est comme, vous savez, quand tu vas aux toilettes. Mmh. Que toi, tu sors des toilettes et que tu croises quelqu'un et tu sais qu'elle essaie une ambiance. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et le pire, c'est que si tu le justifies en disant non, mais c'est pas moi. La personne va encore plus se dire c'est lui qui se justifie. Ouais. Vous voyez, pardon, mais au bureau, vous voyez ou pas, ce gars qui est plus là, et j'aime bien dire, il a laissé une ambiance. Quand tu croises quelqu'un, tu sais pas, il a raison Clémence, il faut dire. Horrible. C'est pas, non. C'est pas moi, mais tu peux pas. Non. C'est horrible, c'est tellement gênant, Pauline. D'ailleurs, si vous pouviez arrêter de mettre de l'ambiance dans nos toilettes. Ambiance. Oui, Clément. Après, si je veux être solidaire avec toi, j'ai vécu le moment le plus gênant, peut-être de cette année, hier. Tu sais, depuis quelques jours, il y a une fille qui me parle sur Facebook et tout, on se dragouille gentiment. Et en fait, j'ai appris que c'était l'ex d'un de mes potes, j'étais pas du tout au courant. Ah. Donc en fait, je fais. Mais j'avais pas du tout fait le lien, moi. Tu vois, les gens me mettent des photos, mais ils disent pas qui est. Ah non, alors arrête. Oh, c'est gênant de fou. Attends, ex d'un pote, pas d'un ami, on sait jamais, peut-être que. Bah, un pote, c'est un ami. Un pote, c'est un ami. Mais je ne savais pas. La différence. Ah oui. Il y a copain et il y a ami. Ah, bien sûr. On sait ce que c'est la différence, hein. Un ami. Un pote, c'est quelqu'un que tu connais pas assez pour lui prêter de l'argent, mais que tu connais assez bien pour lui en demander. C'est ça, alors, non ? C'est à peu près ça. Ami dans le mille, combat. Carole est avec nous au 39. Alors, Carole. Oui, bonjour, Camille. Bienvenue, ma petite chérie. Tu viens d'où ? Je viens du Nord. Du Nord ? Où c'est exactement ? À Lille. Ah, je sais, ouais, je vois, tout à fait. Avec Clément, on vient souvent vous voir du côté de Lille avec Clément. On vient ce week-end. Oui. Ah, je l'apprends. Écoute, je viens de l'apprendre. C'est cool. Week-end, apparemment. Ma petite Carole, alors est-ce que toi aussi t'as vécu un moment gênant dernièrement ? Oui, alors un moment gênant, c'est quand je rentre dans la chambre de mon fils et qu'il regarde une vidéo, je pense, un peu olé olé. Donc je sais pas qui est le plus gêné entre lui et moi. Un truc espagnol ? Voilà, oui. Une corrida, c'est olé olé. Un no stress. Hein. En tout cas, on sort de manière bizarre pendant plusieurs heures dès qu'on se croise. Enfin, c'est un peu gênant. Ah d'accord, à ton fils ? Oui. Eh oui. Est-ce que c'est... C'est genre, il a des enfants, Juju, Laure ? Oui. Il a des garçons ? Un garçon et une fille. Ça va arriver. Hein. Ouais. Non mais m'en parle pas parce que c'est vraiment c'est moi je voulais des filles justement pour ça. Pour pas avoir ce genre de gênance. Bon, Ah ouais, ça doit être un truc hein, quand même Carole. Oh là là. Ah c'est gênant voilà pour le coup. C'est la vie hein. Oui Nico du bureau. Avec les filles la gênance elle est un peu après, c'est quand elle revient à la maison avec un mec. Là c'est encore plus gênant que quand t'as un mec. On sent le papa d'une fille. Hein. Oui. Ouais, parce que moi ça me gêne pas. Attention parce que je commence à me mettre dans la tête parce que d'ici 12 ans il y a un mec qui va venir à la maison. Exactement. Quand on est papa, c'est compliqué. Tiens, il y a Vincent qui nous appelle aussi au 3916. Salut Vincent. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Vince, tu viens d'où mon Vince ? Eh ben dis donc, moi je viens du Grand Est de la France. Du gros ? J'ai pas compris. Du Grand Est. Ah, le Grand Est. Très bien, d'accord. Et mon Vinceau, est-ce que toi aussi t'as vécu un moment gênant dernièrement ? Alors oui, dernièrement j'ai eu mon anniversaire. Et le serveur est venu avec un brownie, une petite bougie. Les lumières s'éteignent. Ils chantent tous joyeux anniversaire. Et ça fait 12 ans que je dis à ma copine que je ne veux rien faire. C'est génial ça. Bah non, c'est gênant Clément. Et le plus drôle c'est de faire comme on fait nous, c'est-à-dire désigner quelqu'un dont c'est pas l'anniversaire. Ouais. Et évidemment on prend le plus timide au bout de la table quoi. On fera ça à Lille sous oui Pauline. Mais les anniversaires surprises ça peut rater. Moi je me rappelle que petite j'en avais fait un à ma mère, mais j'avais appelé tout son répertoire et plein de gens qu'elle aimait pas du travail ou des trucs comme ah, ça. Ah t'as voulu bien faire. Mais oui voilà. Ah, moi mon pareil, il faut la surprise tous les ans il oubliait. Quelle enfance. Tous les ans. Ça a été une enfance difficile hein. Oui ça se voit. J'ai fêté mes 1 an à 17 ans. Je vous donner une idée. Ça a été très difficile. C'était mon premier anniversaire, je découvrais tout. Oui, Laure. Moi, je rêve qu'on me fasse une surprise, personne m'en a jamais fait. Ouais. Oh. Une surprise ? Ouais. Ah, mais toi, tu teases tellement sur ton anniversaire. C'est-à-dire que un mois à l'avance, elle commence à dire attention, c'est jeudi 28, machin. C'est impossible de te faire une surprise. C'est le 28 sur mon anniversaire. Mais je connais pas ta date d'anniversaire. Là, tu me déçois. Qui connaît la date d'anniversaire de Laure ? Pauline ? Le 27. Clément ? Non, mais j'ai vu, moi, sur TF1 hier, la bande-annonce. Retrouvez-moi le 24 février prochain. Oula, mais non, pas du tout. 17. C'est le combien alors? 26. Vous avez... Ah bah bravo, bah tu vois, c'est Nico qui connaît Nico mon anniversaire. Le 26 quoi? 26 février. Ah. 26 février, de quelle année? 1904. Non, 1977, j'assume, ouais. Parce que je trouve ça hyper classe de dire « Ouais, moi, tu sais, j'ai 40 ans. » Mais t'es belle comme tout. Ouais, comment c'est une phrase comme ça? Bah ouais. Bon, je te dis, on te donne 25 ans max. Mais oui. Entre ta fille et toi, on ne sait plus laquelle est laquelle. Mais ouais. Oui, je suis d'accord. Mais franchement, Clément. Ben, rajeunis parce qu'on oublie de lui fêter, justement. Vincent, Carole, je vous embrasse. Restez avec nous sur Virgin Radio. On écoute The Strombellas tout de suite. Excellent réveil. Bonjour tout le monde. Nous sommes The Strombellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Sur Virgin Radio, merci d'être avec nous les copains, j'espère que ça va très très très très très bien pour vous. On est là avec vous jusqu'à 9h chaque jour sur Virgin Radio. Oui Nico? Et je crois que ce soir t'as oublié quelque chose qui avait à la télé, t'avais parlé de The Mask tout à l'heure. Il y a quand même une émission sur Céline Dion à 22h50 sur W9. Oh là là, le show. Oh là là. Céline est de retour? Ouais. Céline pour toujours? Céline pour toujours. 22h50. Et on voulait te faire un petit peu la surprise, mais on se disait, est-ce que tu voudrais pas qu'il y ait un auditeur qui te défie un blind test Céline Dion là? Je suis imbattable dans 5 minutes. Oh, attention, oh, attention, attention. Attention, attention. On a préparé, Céline Dion. On a préparé des petites zigs de Céline Dion, à mon avis. Ah, les amis, je suis imbattable. Quelqu'un veut m'affronter au blind test Céline Dion? Les amis, je pourrais même battre Céline Dion. Céline Dion, si tu m'écoutes, tu m'appelles maintenant, je te jure, je te mets la tannée au blind test Céline Dion. Mais personne ne veut battre au blind test Céline Dion. On va voir. Écoutez cette voix. Elle chante pas avec les cordes vocales, elle chante avec son cœur. C'est le cœur. Regardez, ça c'est les tripes, on appelle ça. Tripes de camp, ça. Chialer, tu me fais chialer, Céline. Qu'est-ce que je t'aime, nom de Dieu. Viens prendre un câlin dans ta gueule, Céline. Viens, je te fous un câlin dans la gueule. Oh, je l'adore. Blind test Céline Dion, alors. Ouais. Vous savez comment me faire plaisir, l'équipe. Je suis trop content. On va faire ça dans un instant. Restez avec nous. On rappelle, hein, Virgin Radio, vous le savez, hein, le claim a changé. Cette année, c'est plus du tout pareil.

qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savoir se mettre à nu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle, me laisser prendre dépourvu. Je ne veux plus. No, I don't. Excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio. Belle matinée, surtout à 9h05. Je sais qu'elle a commencé depuis longtemps. Hein, pour bon nombre d'entre vous, beaucoup sont au taf, d'autres sont encore en voiture. Prudence et patience, en tout cas, nous, on vous lâche pas. On est là avec vous, avec Laure, avec Salut. Clément. Bonjour. Avec Bonjour. La popo du standard et avec un beau cadeau. Vous voulez repartir, j'en parle depuis ce matin, avec une semaine de vacances, à peine rentrée pour 4 personnes. Vous repartez tout de suite à la mer ou à la montagne pendant une semaine. Tout frais payé. Vous régalez, vous juste à y aller. Après, vous choisissez dans quel endroit. Une semaine, Pierre et vacances. Il suffit de gagner au blind test. Céline Dion, mon idole. C'est parti. C'est le blind test, Céline Dion. Oh non, merci la mouette. Et Aurélie a non seulement envie d'une semaine de vacances, mais en plus elle est fan de Céline Dion. Ça va Aurélie ? Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut ! Aurélie, tu viens d'où ma belle ? Je viens de La Ciotat à côté de Marseille. La Ciotat, voilà. Très bien. Alors je relève le défi de battre Camille au Blindstein de Céline Dion parce que je suis la plus grande fan de Céline Dion. Eh ben écoute, moi tu sais quoi ? Je suis sûr c'est moi qui vais te battre. Redis-moi blind test. Blind test. Le blind time. Ma petite Aurélie, je te souhaite bonne chance. Sache juste, ma chérie, tu sais que je j'aime vous tous qui nous écoutez le matin. Mais sache qu'à ce moment-là, sur un blind test, je fais pas de cadeau. Je me doute. Oh, tu vois, battle, si à un moment donné, je peux te faire un croche-patch, je te ferai un croche-patch. Non mais juste, on redevient pote à 9h. Mais là, pendant nos 3 minutes de blind test, on n'est plus pote. Et non. T'as bien compris. Bon, il n'y a pas de souci. Si t'as un genou par terre, je te remettrai un coup pour que tu retombes encore par terre. Eh ben, si je suis à terre, je me relèverai. Oh, c'est pas moi qui t'aiderai, ma grande. Ok. Allez, show okay. Must go on. Si t'es allongé sur la plage, je t'enfoncerai la tête dans le sable. T'as bien compris? Non, je ne suis pas à la plage aujourd'hui. Pendant un blind test, je suis une vraie hyène. Allez, il n'y a pas de souci. Fais gaffe à toi, Aurélie. Ça va. Je vais te massacrer. Je t'en déconne, je vais te massacrer. Il n'y a plus rien. Maintenant, c'est toi face à moi. Il n'y a plus personne. Attention, Clément, je te laisse lancer le blind test. Je fais l'arbitre. Tout à fait. C'est parti. À ma droite, le garou de Gap. Il connaît Céline Dion depuis des années. Il pense être incollable. Il n'a jamais perdu un seul blind test. Mais il est face à aujourd'hui Aurélie. Aurélie qui nous vient de la Ciotat. Elle a 32 ans. Elle a déjà une photo avec Céline Dion. Elle a un autographe. Elle l'a croisée un jour dans un hôtel et Céline Dion lui a dit bonjour. Voilà. Elle a même dragué Olivier Dion en pensant que c'était un membre de sa famille. Je vous demande d'applaudir Aurélie. C'est bravo. Aurélie, nul. Aurélie égale. Je vais demander un petit peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit peu de silence. On donne son prénom avant de répondre, même si vous avez des voix très différentes. D'accord. Attention, le premier extrait, je veux non pas l'interprète, puisque c'est Céline Dion à chaque fois, mais le nom de la chanson, c'est parti. T'as vraiment un autographe de Céline Dion, Aurélie ? Bien sûr, je vous l'envoie en photo si vous voulez. Oh là là là, ouais, tu vas me défoncer. On y va. C'est parti. Aurélie ? Oui. Aurélie ? L'immensité. L'immensité, c'est une mauvaise réponse. Tu ne vous oublies pas, non, jamais. Donc j'ai l'impression que le point me revient. Le point revient à Camille, 1-0, c'est parti. Aurélie, tu vas te refaire. Je sais, je vais faire. Je vais laisser faire Aurélie. Je vais gagner peinard. Attendez, je suis en train de regarder sur le site de Pierre et Vacances où je vais aller. En train de regarder dans quelle Pierre et Vacances je vais aller avec trois de mes potes. Allez, c'est parti. Deuxième extrait. Aurélie. Oui. En attendant, c'est pas. C'est une bonne réponse. Ouais. C'est pas. Je vis, je rêve et je carabine. Tu l'avais, Gami, ou pas? Pas du tout. Égalisation un partout. Attention, troisième extrait. Aurélie. Oui. Non, bah, attends, eh oh, on dirait, sans déconner, on peut pas reconnaître, on dirait que c'est Mano. Ouais. Aurélie. Comment? Vas-y. Alors, qu'il est beau, qu'il est. Vite, 3 secondes. Oh. Mon homme. Eh non, c'était non. Je lui dirais. Deux. Attention Aurélie, 2-1 pour Camille. T'as peut-être été un poil il trop vite. Il est pas mal ce Pierre et Vacances. Ouais. T'as été un peu vite Aurélie, puisque les musiciens étaient encore dans les loges. On n'avait même pas encore entendu le morceau. Quatrième extrait. Ça fait 2-1. Camille. Oui. Aurélie. L'abandon. L'abandon est une bonne réponse. 3-1 pour Camille. Eh ben t'es où? Bah alors l'abandon, ça te correspond comme chanson? Oh, l'abandon. Ouais. Oh là là, t'es mauvais. Oh là là. Mais j'entends pas très très bien. Oui. Clément, tu fais quoi en novembre? Ça te dit d'ailleurs pire les vacances? Avec grand plaisir, il y a déjà 8 points pour Camille. Attention, il y a 4-1, c'est parti avec un nouvel extrait. Aurélie. Oui. Un autre monde. Est-ce qu'on a préféré? Alors rectifie, il y avait 3-1, ça fait 3-2. 3-2, c'est parti. Si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, c'est un grand blind test Céline Dion. On embrasse la grande Céline. Attention, celle-ci est très facile. Si vous connaissez Céline Dion. Oui. Encore un soir. Encore un soir, c'est une bonne réponse. Oh, elle est tellement belle, ça. Encore une heure. J'adore ça. Laisse un peu. Robin, notre réalisateur, 19 ans, prends-toi un kiff. Parce que c'est normal, il a 19 ans, il nous regarde de haut. Laisse Céline venir à toi. Non, ne mets pas un mur entre Céline et toi. Laisse-la venir, voilà. Ouvre tes chakras pour Céline. Elle va venir vers toi, Céline. Elle va pas te brusquer. Regarde, elle arrive. Laisse-la venir. C'est un délire. Salut Céline, belle robe. Adore. Même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la merde. On est parti de blind test Céline Dion. 3 partout. Ah là là là là. Eh ça y est, Robin notre réel est déjà en train de commander un t-shirt Céline Dion. Quand Céline vient à toi, elle te lâchera plus jamais, elle sera toujours là pour toi mon pote. On y va, c'est parti. Aurélie. Oui. Ah mince, j'ai connu ça. Vas-y. Mais moi je la connais. Vas-y. Je sais pas. Mais c'est ce que j'allais dire aussi. C'est elle, donc la chanson je sais pas, c'est ça, 4-3, on mais va la jusqu'à vie combien? Sans toi, sans je toi. Sais pas. Allez, on y va. Je sais pas. Camille. Oui. I'm alive. Yeah. Oh. Ça, c'est ma préférée. Bon, c'est la Céline américaine, hein. Là, on est sur un autre truc. Allez, une dernière, c'est parti, tous jouent sur celle-là. Oh, Aurélie et moi. 4-4, attention, on y va, tous jouent maintenant sur Virgin Radio. Qui d'Aurélie et moi va partir une semaine en pire et vacances? C'est parti. Aurélie. Aurélie, oui. Top. Destin. Donc, tu redis-moi. Destin. Clément. C'est une bonne réponse. C'était pas le nom original, c'est vrai que j'avais l'autre nom. Ouais. Après, c'est une destin sur le marché français, c'est vrai. Bravo à toi, Aurélie. Bravo. Aurélie, félicitations, ma belle. Vraiment, félicitations. Tu pars une semaine avec 3 de tes potes en pierre et vacances, d'accord? Oh, merci, je suis super contente des vacances. Et moi aussi, je suis très, très, très heureux pour toi. Je t'embrasse très fort, Aurélie. Moi aussi, je vous embrasse. Et Camille, et ben voilà. Et ben voilà. C'est énorme, y'a rien à dire. Je suis très heureux pour toi Aurélie. Bien sûr, je suis content de t'avoir laissé gagner, franchement. Oh, Aurélie, bravo, merci à vous tous de nous avoir suivis. Nouvelle question de ouf demain, 01 84 07 08 09. Clément, on vous demande tout simplement quelle est ta petite astuce de crevard, c'est-à-dire quand t'as pas trop d'argent, un tout petit truc pour essayer d'économiser. Ah ben, je rappelle le numéro alors 01 84 07 08 09. Laure, n'hésite pas à laisser des messages. On va se retrouver demain une nouvelle fois avec 3 loyers à gagner, 6h20, 7h20 et 8h20. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Et c'est 50 ans de loyer, c'est

Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Never had much faith in love. Miracles. Never wanna put my heart up and got it. But swimming in your world, something spiritual. I'm born again every time you spend the night. Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. And sure, cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. Virgin Radio, on passe une très très bonne matinée tous ensemble avec 40 minutes de pop rock électro non-stop qui arrive. Virgin Radio. Et ça fait du bien quand on vient d'arriver au boulot, n'est-ce pas Stéphane? Ouais, surtout quand on est connecté sur la petite Virgin Radio. Et tiens, Pierre-Alex. Oui. Tu peux me jouer le son de Yvonne Jeline, ça me rappellera un peu les vacances. Ah, c'est vrai, Yvonne Jeline que vous avez découvert ici avant tout le monde. C'était avant l'été, hein. Maintenant c'est un véritable carton. C'est simple, en quelques secondes, on se croise sur une plage en plein mois de juillet. Écoute ça. On va se faire plaisir. Yvonne Jeline qui arrive dans les 40 minutes de pop rock électro non-stop. Avec également Justin Timberlake, Mom. Et Stéphane, il va se passer quoi dans exactement 8 jours? 50 ans de loyer. C'est tellement énorme. Écoutez ça, on va transformer votre vie. Le 16 septembre, à 8h20, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux jamais offert. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans de loyer. Wow. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. Hein. C'est pas possible. Oui. Pas de loyer à payer pendant 50 ans. 50 ans. Impatient de vous offrir ça, les copains. Le 16 septembre, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer, inscrivez-vous maintenant au 7-12-13. Code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie.